Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginal et je serai avec vous pour la durée de l'émission. Et nous en sommes à l'édition du 11 mars 2010. Alors voilà, les présentations sont faites. Cette semaine, nous avons une émission très chargée encore. Alors on va essayer de passer au travers de tout ce que j'ai. On va parler de différentes affaires. On va parler en premier d'Irak et d'Afghanistan. Ensuite, on va faire un tour de l'actualité. Il y a énormément de choses à discuter. Et puis, je vais faire un petit retour aussi sur le 9-1 et puis les courriels que j'ai reçus. Et ensuite, on va terminer avec le volet de l'économie. Alors, on va essayer vraiment de tout rentrer ça dans l'émission parce que c'est des choses très importantes à revoir cette semaine et puis à suivre l'actualité. Voilà, ça va être ça pour l'émission. Alors, on va y aller tout de suite avec l'Afghanistan. En Afghanistan, on a appris différentes affaires. La première nouvelle, ça vient de la CBC. C'est une nouvelle qui dit que le Canada a voulu que certains de ces prisonniers afghans soient torturés. Alors, on a appris ça. C'est une allégation pour le moment. Ça vient d'un professeur, un expert en loi, un professeur à l'Université d'Ottawa en loi. Et le monsieur est en train de creuser dans les papiers du gouvernement et puis a trouvé des documents. Et il a trouvé aussi que, bon, on a censuré certaines versions de ces documents-là qu'on a relâchés de la part du gouvernement l'année passée. Et le monsieur qui se nomme Amir Attaran, l'expert en loi, déclare que si ces documents étaient rendus publics au complet, donc si ces documents-là ne présentaient plus aucune censure par rapport aux documents originaux, qu'il montrerait que le Canada a été partenaire délibéré dans la torture de prisonniers afghans en Afghanistan lors d'interrogations de détenus. Donc, cela, évidemment, remet en question toute l'histoire des vols extraordinaires de rendition et qui constituent des crimes de guerre puisqu'ils participent et aboutissent finalement à la torture dans certains cas. Et ça fait longtemps ici qu'on en parle sur l'autre monde. Le Canada a participé à ces programmes de torture-là. Et la vérité remonte, les documents refont surface et puis on voit que nous participons à une entreprise bien criminelle. Les troupes canadiennes en Afghanistan se sont fait ordonner par certains généraux et puis hautes têtes de l'armée d'ignorer les viols d'enfants qui ont été faits par les forces afghanes. Alors nous, on entraîne des forces afghanes dans ce pays. Et ces forces afghanes travaillent aussi sur les bases, donc les partagent avec celles de l'OTAN, dont nous participons, et certaines bases canadiennes. On apprend que dans cette nouvelle-là, depuis qu'au moins 2006, on a des chapelains, donc des prêtres qui travaillent avec l'armée et certains soldats qui se sont plaints que des forces de sécurité afghanes sodomisaient des jeunes garçons sur leur base. C'est assez troublant, mais c'est des nouvelles qui sont sorties puis ont été rapportées par The Ottawa Citizen Newspaper. Donc, c'est tout ce qui est plus documenté. Vous avez aussi des rapports de la police militaire canadienne qui se sont aussi plaints, et ça a été rapporté par le brigadier général J.C. Cullen, commandant en chef des forces de terre. Et on a appris que c'est de cette source-là que c'est là qu'on a reçu des ordres de ne pas interférer avec les incidents qui impliquaient les forces afghanes et qui avaient des expériences assez écœurantes sur la base, pour pas vraiment dire plus que ça, en sodomisant des jeunes garçons. Alors, quand ces affaires-là arrivent, eh bien, on veut pas entacher la réputation du pays qui est impliqué là-dedans et puis de l'armée qui y appartient. Et on dit aux soldats et puis aux personnes de se la fermer. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, c'est très triste. On vit dans un monde qui est immoral. Et c'est un autre exemple assez frappant. Il y a le CSIS, qui est l'Agence du renseignement canadienne, qui a interrogé aussi secrètement des prisonniers afghans. Donc, on a appris qu'on avait des espions canadiens qui ont interrogé des talibans, alors des combattants talibans en Afghanistan depuis au moins 2006. Dans une autre nouvelle qui a été publiée dans le Miami Herald, on apprend qu'il y a des survivants afghans qui commencent évidemment à sortir de ces places-là et puis à raconter ce qu'ils ont vécu. Et c'est clair que la vérité n'est pas très jolie. C'est ce que c'est. Alors, on a ici une autre nouvelle assez troublante. Ça a été rapporté par le Pentagone, comme quoi qu'il y aurait un Marine qui a été tué en combat en Afghanistan, mais la façon qu'il est mort est assez spéciale. Le fait est qu'il s'est fait tirer par une force de sécurité, entre parenthèses, des contracteurs privés qui sont engagés par les Américains. Et bien souvent, ces contracteurs privés sont mêlés dans un trafic de drogue et d'armement dans le pays. Ça, c'est pas de quoi qui est nouveau. On a même appris que les Américains vendaient des armes aux talibans. Alors, on vend des armes aux talibans, on vend des armes à d'autres sortes de groupes de terroristes. Et là, dans ce cas-ci, ben, vous avez un soldat marine, un Américain, qui s'est fait tirer par un Afghan qui travaille pour une compagnie de contracteurs de sécurité privée payée par les États-Unis, qui s'était fait prendre, lui, pour avoir possédé des quantités assez copieuses d'opium. Alors, c'est une autre preuve comme quoi que ces contracteurs-là, payés, financés par les États-Unis, sont impliqués dans le trafic de drogue et de d'autres marchés illégaux et criminels. On a aussi une autre nouvelle ici qui nous vient du Huffington Post, dont un vidéo qui est joint à l'article, et puis vous allez trouver ça sur, encore là, les nouvelles internationales, comme je vous dis à chaque émission. Tous les articles dont je vous parle sont en lien là-bas, suite à l'émission, un peu plus tard dans la journée ou au plus tard vendredi. Et là, dans cette nouvelle-là, on apprend qu'on a des Afghans qui sont entraînés par Blackwater là-bas. Donc, c'est un peu comme je vous disais, on a des forces de sécurité, puis on a des forces aussi régulières de l'armée, puis de sécurité afghane du pays. Et on les entraîne. C'est des fois l'armée qui l'entraîne, des fois c'est des compagnies de mercenaires privés comme Blackwater qui les entraînent. Et après ça, un coup qu'ils sont bien entraînés, armés jusqu'aux dents, eh bien, ces gens-là se retirent et puis vont travailler pour les talibans. Donc ça, c'est de quoi qui est récurrent aussi. C'est pas la première fois qu'on entend parler de type de nouvelles comme ça. Donc, on se demande évidemment qu'est-ce que ça sert d'entraîner ces gens-là, de payer des milliards de dollars à Blackwater, qui, comme je parlais la semaine passée, est sur le point de signer un contrat d'au-dessus d'un milliard de dollars. Et puis, c'est le type de truc qu'ils font là-bas. Donc, ils entraînent les forces afghanes, et puis après ça, ces gens-là, eh bien, ils s'en vont pour rengrossir les liens des talibans. Alors, nous, on finance tout ça, c'est super, c'est fantastique, puis vraiment, ça fait avancer le dossier en Afghanistan, qui est une guerre perdue depuis très longtemps. On a eu des frictions à Marja, la ville où on parlait la semaine passée, qui était le théâtre d'une offensive, en fait, la plus grosse offensive américaine en Afghanistan depuis le début de la guerre en 2001. D'ailleurs, une guerre qui est plus longue que la Deuxième Guerre mondiale, pour vous faire réfléchir. Et je vous avais dit que c'est une ville qui comptait 80 000 personnes la semaine passée, c'est les informations qu'on avait. Et puis cette semaine, un article qui est sorti que j'ai réussi à dénicher qui démontrait que cette histoire-là était de la désinformation. Alors c'est ça aussi qui est assez difficile, c'est que ces théâtres de guerre-là ne sont pas seulement des théâtres de guerre physiques, mais aussi des guerres, ce qu'on appelle des psy-ops, donc des opérations psychologiques, c'est-à-dire qu'on contrôle l'information, on contrôle les images, et puis après ça, évidemment qu'en faisant ça, on va contrôler ce que les gens en pensent et puis la perception qu'on a de ce qui se passe là-bas. Donc, on n'a pas réellement une bonne idée de ce qui se passe à part ce qui filtre par-ci, par-là. Et l'histoire de 80 000 personnes de la ville de Marja est une fabrication de l'armée pour essayer de la faire paraître comme étant un gros centre de résistance des talibans, alors qu'il n'y a pas vraiment de ville qui existe comme telle dans la région, ce qu'on apprend en réalité ici dans cet article-là qui est très intéressant, qui dit que Marja est plutôt un ramassis de petits villages, si vous voulez, de petites régions tribales où les gens habitent, et puis ça forme pas réellement une ville, mais c'est plutôt un ensemble assez large. Je crois que ça couvre environ 200 hectares là, de territoire. Alors vous voyez que c'est assez vaste, et puis cette population est répartie à travers ça. Donc on a attaqué ce qu'on s'est vanté de faire, en fait la plus grosse offensive depuis le début de la guerre afghane. Hein, donc, on se pète les bretelles. Hey, on va arriver là avec 15 000 soldats, vous allez voir. Les soldats, on va les débusquer. C'est incroyable. Regardez-nous aller. La plus puissante armée du monde, les forces de l'OTAN. Ta-ta-ta. Et puis, finalement, si on avait eu les images de ça, ben, ça aurait eu l'air assez honteux, pour dire le moins. C'est-à-dire que on arrive avec des armées équipées high-tech, les armées les plus riches, les plus puissantes du monde, pour attaquer des petits villages qui sont faits en bambou, puis écoutez, là, avec des planches de bois et puis des tentes et puis des maisons en briques avec, tu sais, réparties sur le territoire. Donc, ça a l'air de des petits villages par-ci, par-là. Ça fait assez dur, disons. C'est pas ça qui vous donne un peu une image de. Tu sais, c'est un peu comme le gros policier d'armée d'un AK-47 et puis d'un lance-grenade, puis le genre de, tu sais, de trucs comme ça avec les tasers, puis qui bat un vieux de 97 ans, puis après ça, il dit « Regardez comment je suis fort! » Tu sais, c'est un peu l'image qui ressort de ça. Tu sais, c'est un peu l'utilisation brutale, démesurée contre un peuple complètement sans défense. Donc, un peuple sans défense qui s'allie de plus en plus, d'ailleurs, avec les talibans qu'on avait mis au pouvoir en premier lieu, mais après ça, on a accusé de terrorisme parce qu'ils avaient décidé de ne pas signer l'accord de passer les pipelines américaines à travers le pays. Donc, on leur avait dit aux talibans, écoutez, on vous offre un deal, là, la gang, là. C'est où on vous donne un tapis d'or ou bien là, on va vous couvrir d'un tapis de bombe. Donc, ça a été un peu ça le deal. Et puis, vous avez des compagnies pétrolières qui, dans des documents qu'ils sont retrouvables et puis vérifiables, vous pouvez vous rendre compte vous-même que c'est les compagnies pétrolières qui ont mis beaucoup de pression sur les néocons pour embarquer là-dessus dans cette guerre. Et puis c'est aussi pour d'autres agendas. Écoutez, c'est pas juste une question de pétrole, là. Il y a une question d'emplacement géostratégique pour entourer la Chine, la Russie, être proche de l'Iran, contrôler un marché absolument lucratif d'opium. Et puis il y a aussi d'autres petits enjeux là qu'on couvrira pas pour le moment. Donc, voilà pour la correction. C'est assez spécial. Alors, oui, il y a de la désinformation, surtout provenant de ces types de théâtres de guerre où on joue avec les informations pour essayer de contrôler la perception de la réalité. Donc, c'en est assez pour l'Afghanistan. On va passer à l'Irak. En Irak, on a appris qu'en dépit des morts causées par ces contracteurs privés qui ne sont jamais pris dans les méandres de la justice, eux, ces gens-là sont au-dessus de la justice. Alors, on a beau canarder des Irakiens, des Afghans à mort comme ça, ils sortir sans aucun problème. Et puis là, c'est un contrat de 2,8 milliards de dollars qui a été alloué à KBR. Alors, KBR, qui est un autre gros contracteur privé de sécurité, de mercenaires privés en Irak. Donc, c'est fantastique de voir comment ces guerres privées-là continuent de profiter. C'est de toute beauté. Ensuite, on a eu des élections en Irak. Et puis, écoutez, là, des élections, on va mettre ça en des grosses parenthèses, là, et puis des guillemets, là, on va en accoter pas mal. Pourquoi? Parce que, écoutez, là, des élections dans un pays qui est occupé militairement, quoi. Si vous voulez croire à la liberté puis la démocratie avec un pays occupé militairement, bravo, je veux dire, sauf que à un moment donné, il faut essayer d'identifier les choses pour ce qu'elles sont, hein. Donc, il n'y a pas réellement, là, il faut passer au travers de cette illusion au travers de cette illusion de démocratie et de liberté en Irak, alors que ce pays est encore sous occupation militaire depuis 2003. Alors, des élections, mon œil. Et puis après ça, ben, on a appris qu'il y a eu des grosses explosions qui ont frappé Bagdad alors que les Irakiens votaient. Donc, une autre attaque false flag sous faux pavillon, classique. Les États-Unis, puis le régime courant en ce moment, qui est un régime de marionnettes manipulé par les États-Unis, sont terrifiés qu'on pourrait voir une répétition des élections à Gaza, où les Palestiniens avaient refusé de voter pour le parti politique qui était approuvé, donc le parti politique qui aurait fait l'affaire des États-Unis puis d'Israël. Et puis les Palestiniens ont voté ensuite pour le Hamas. Donc, au lieu de reconnaître le choix démocratique des Palestiniens, on a décidé de classifier le Hamas comme étant une organisation terroriste. Et puis de tout simplement d'ignorer le fait que c'est les Palestiniens ont élu démocratiquement ce parti. Alors, on a beau croire que le Hamas est militarisé, alors il faut séparer des choses. Il y a une partie du Hamas qui est politique et puis une autre qui est armée. Et puis, ben, c'est comme n'importe quel gouvernement dans le monde. Alors, disons que c'est peut-être. Le Hamas a été accusé de crimes de guerre, il faut le souligner, autant que l'armée israélienne. Donc, il y a, oui, des questions à poser, mais donc, c'est quand même de quoi qui s'est passé qui n'était pas souhaitable parce qu'on voulait que ce soit le Hamas qui soit élu, parce que le Hamas, on le contrôlait. Donc, on avait financé, même de la part des États-Unis et d'Israël, le parti de Hamas. Alors, on a bien peur que se passe la même affaire en Irak. OK, et puis à ce moment-là, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on a besoin du support du public. Alors, n'importe quel groupe qui peut fonctionner avec les pouvoirs en place, donc les pouvoirs qui contrôlent l'Irak en ce moment, qui peuvent changer le système et puis qui peut le garder aussi en contrôle, c'est celui qui va réussir à sécuriser, à avoir le certain support public. C'est certain qu'un parti politique ne va pas, hein, aller poser des bombes, aller commettre des actes qui vont, ils vont faire en sorte qu'ils vont s'aliéner la population qu'ils ont besoin pour leur support. Okay? Donc, il faut comprendre à un moment donné que ces attaques à la bombe sont des gros mensonges, des gros montages mortels, disons-le, qui ont pour intention de démoniser la menace au régime marionnette qui est mis en place par les Américains. Alors, ça, il faut savoir lire entre les lignes et puis c'est ça qui se passe. Une autre nouvelle qui a été rapportée par la BBC, c'est le nombre de déformations à la naissance, okay, d'enfants qui ont été rapportées par les docteurs de Fallujah. Alors, Fallujah, je vous en ai parlé aussi la semaine passée, ça a été la ville à laquelle on a référé quand on a fait l'attaque à Marja en Afghanistan. Alors, on avait comparé avec ce qui s'était passé à Fallujah, qui était la ville qui représentait la résistance en Irak. Alors, on l'a détruite, hein? On a fait une image de cette ville pour que tout le monde comprenne qui était le maître. Alors, on a détruit le deux tiers de la ville au complet. On l'a anéanti. On a tué des centaines de personnes, des civils. Après ça, écoutez, là, vous avez presque la totalité de la ville qui est partie en réfugié. Et on utilisait des armes chimiques sur la ville. Alors, ben oui, des armes chimiques. Alors, des armes interdites. Et puis, ben, pour toutes ces raisons, et puis aussi pour l'uranium appauvri qu'on répand, parce qu'on utilise l'uranium appauvri dans les armes. Et puis, quand ça explose, ben, vous avez des taux de radioactivité qui commencent à augmenter un peu partout. Et puis, il ne faut pas oublier que cette radioactivité-là va être présente pendant au moins 4,5 milliards d'années. Alors, ça donne à réfléchir. Donc, ce n'est pas seulement un génocide, parce qu'on a tué quand même au moins 4-5% de la population irakienne depuis le début de la guerre, ce qui remonte bien au-dessus d'un million d'Irakiens. Mais aussi, on a pollué le pays avec des armes chimiques et radioactives, ce qui fait en sorte qu'on a des très hauts niveaux de bébés qui naissent avec des difformités. Et il est évident que les armes américaines qui sont utilisées depuis le début de l'invasion en Irak sont à blâmer. Donc, ça, c'est une nouvelle assez incroyable. Donc, les nouveaux bébés qui naissent avec des défauts, des défectuosités du cœur, qui sont 13 fois plus élevées qu'en Europe, ça fait dur, OK? C'est pas très joli. Tony Blair qui a déclaré que les officiels israéliens faisaient partie de la décision qui ont influencé envers l'Irak en 2003. Alors ça, c'était quelque chose qu'on savait depuis longtemps, mais encore là, la vérité commence à sortir de la bouche même de ceux qui ont déclaré ces guerres. Alors oui, il est évident, même avec comment ça s'appelait, à l'intérieur même de la CIA, si je me rappelle bien, on a créé un nouveau bureau qui s'appelait The Office of Special Plans, si je me rappelle bien de mémoire, qui était dirigé par Douglas Feith. Et vous aviez un paquet de double nationalité, américains, israéliens, qui travaillaient dans le gouvernement pour les néocons, à Washington, et puis au Pentagone, et puis dans la CIA, au plus haut niveau, faut le dire. Alors, une bonne quantité, là, des gens qui avaient des doubles nationalités, déjà travaillaient dans l'armée israélienne. Donc, on a créé un bureau spécial quand la CIA, finalement, n'arrivait pas avec les preuves pour démontrer que Saddam Hussein avait encore des armes de destruction massive, essayait de se procurer de l'uranium pour fabriquer des bombes nucléaires, et puis qui était participant et co-responsable du 9-1. Alors, évidemment que la CIA pouvait ne pouvait arriver avec aucune preuve parce qu'il n'avait aucune preuve, OK? Donc, c'était ça qui était la réalité. Alors, évidemment, Bush et puis Cheney et puis la gang de néocons, qui travaillaient très proche avec Israël, se sont fait passer et puis ont utilisé de la fausse information pour justifier cette guerre. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un bureau à l'intérieur même de la CIA qui répondait à Douglas Feith. Et puis là, on a fait un peu ce qu'on veut. On a fabriqué carrément des mensonges, des faux documents, des fausses preuves pour vendre la guerre en Irak. C'est simplement ça qui s'est passé. Et puis, on a pris aussi, vous avez, comment il s'appelle lui, mon Dieu, j'ai oublié son nom, un officiel du gouvernement américain qui s'était fait prendre pour faire de l'espionnage pour le compte d'Israël. Et puis, c'est quoi son nom lui? Mon Dieu, j'ai oublié son nom. Il s'était fait prendre et puis jugé coupable et puis il a fait de la prison. Il est encore en prison d'ailleurs, si je me rappelle bien, pour avoir fait de l'espionnage pour le compte d'Israël. Alors, il travaillait même à l'intérieur de cette organisation qui était censée prouver et puis apporter les preuves pour partir cette guerre en Irak. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, la fausse information traversait des deux côtés, c'est-à-dire que oui, il y avait de l'espionnage qui se faisait pour le compte d'Israël, c'est-à-dire l'information qui était passée du gouvernement américain vers le gouvernement d'Israël, mais il y a aussi des fausses informations qui partaient d'Israël pour aller vers les États-Unis, qui après ça alimentaient ben, la clique à Bush et Cheney, Rumsfeld et puis tous ces gens-là. Donc, des informations très importantes. Et puis là, Tony Blair qui sort publiquement pour confirmer ces choses. Un autre article qui parle ici d'un regard plus attentif sur le rôle d'Israël dans le terrorisme. Alors, on est un peu dans la même lignée. C'est une série d'articles basés sur une série d'articles de Jeff Gates, qui est un auteur très, bon, très, je dirais, largement acclamé. Comment on appelle ça, qui est avocat et puis un banquier marchand, un éducateur, un consultant pour les gouvernements à travers le monde, qui a servi pendant 7 ans comme conseiller pour le US Senate Committee on Finance. Et puis, il est aussi auteur d'un livre qui s'appelle Guilt by Association, Democracy at Risk and the Ownership Solution. Alors, vous avez une série d'articles très importantes ici, et puis de vidéos à aller voir je dirais, expliquent, documentent le rôle d'Israël dans le terrorisme. Alors, c'est pas juste les États-Unis qui se mènent dans cette voie. Et puis, bon, là, je parle des États-Unis et puis d'Israël, mais vous savez que à peu près tous les services secrets sont impliqués dans le terrorisme. Alors, faut pas se leurrer, là, hein? Donc, là, moi, je vous amène des trucs qui sont documentés, mais on peut se tourner vers tous ces services secrets. Alors, oui, c'est une réalité. Il faut, à un moment donné, l'affronter telle quelle. Un autre article qui parle du Mossad qui aurait tué au moins 530 scientifiques irakiens. Alors, ça vient de plusieurs rapports qui ont collaboré avec les forces d'occupation américaines. Et on parle ici d'un appareil d'espionnage israélien, dont le Mossad, qui ont tué un paquet de scientifiques. Donc, on parle de 530 scientifiques et puis de professeurs académiques irakiens qui ont été tués depuis le mois d'avril 2003. Alors, on a des groupes comme ça d'assassinats, OK? Donc, de meurtriers, des dead squads qui se promènent et puis on assassine ceux qui, résistent et qui ne font pas l'affaire et puis ceux qui en connaissent un peu trop. Alors, c'est des politiques qui se produisent et c'est rien de surprenant, là. C'est une autre preuve encore, tout simplement. Un article ici du Telegraph en Angleterre qui parle que l'invasion de l'Irak n'avait aucune base légale dans la loi internationale. Alors, ça fait longtemps qu'on savait ça, mais une autre fois, un truc qui se confirme, et cette fois dans le Telegraph, dans la publication du 26 janvier 2010. Alors, non, évidemment, c'est bien clair que la guerre en Afghanistan et en Irak n'avait aucune base légale dans la loi internationale. Et puis, ça, c'est maintenant confirmé par un avocat senior du gouvernement britannique, Monsieur Sir Michael Wood. Donc, c'est des guerres criminelles. C'est pas plus compliqué que ça. Le cancer qui continue d'augmenter aussi en flèche en Irak. Alors, un autre héritage incroyable qu'on va laisser suite à l'invasion de l'Irak en 2003. Ça, c'est des choses avec lesquelles les Irakiens doivent vivre maintenant tous les jours. Alors, des multiples cancers que ces gens développent. Qui se répandent comme des feux sauvages dans la brousse. Okay? Donc, on parle d'enfants qui sont nés avec des difformités, les docteurs qui sont débordés avec les hausses incroyables de cancer et puis de défectuosité à la naissance de bébés, qui sont, ça vient évidemment de des personnes des villes qui sont sujettes à ces bombardements très lourds américains et puis britanniques. Alors, d'autres crimes de guerre. Allez voir les photos, c'est assez troublant, mais encore là, il faut savoir affronter la vérité, les choses, les images qu'on ne présente pas à la télévision. Un autre article assez surprenant qui date un peu là, de quelques semaines déjà, c'était sorti sur MSNBC. C'est le général de l'armée en Irak qui a passé une nouvelle loi à travers l'armée qui interdit aux femmes qui sont dans les forces armées américaines de tomber enceinte. OK? Alors, c'est maintenant banni. Et puis, si des femmes tombent enceintes, et puis avec leurs partenaires, tous ceux qui sont responsables de ce pauvre petit bébé, et ben, incluant les couples mariés, OK, qui sont assignés à la même unité. Alors, vous êtes dans la même américaine, vous êtes un couple marié, vous êtes dans la même unité, mais non, là, on peut plus droit se toucher, là, parce que là, si madame tombe enceinte, et ben, ces gens-là risquent de faire face à la cour martiale et puis aller faire du temps en prison. Alors, ça vous donne une idée assez terrifiante à propos de la réalité de l'armée américaine, OK, dans le sens dans quel point elle est, j'aurais un mot en tête en anglais, stretchée, je ne sais pas comment vous dire ça en anglais, là, en français, c'est-à-dire qu'elle est étendue au maximum, c'est-à-dire qu'on a utilisé, on est en train d'utiliser le maximum de la capacité de l'armée américaine, OK, on est aux confins des limites du possible avec ce qu'on a. On a bien la misère à recruter, quoique là, maintenant que la dépression sévit aux États-Unis, ben là, c'est plus facile de recruter. Hein, il y a plus de pauvres, alors ils s'en vont à l'armée. Mais ça vous donne un peu une idée à quel point là, qu'on est désespéré de garder les soldats dans les rangs. Alors, on ne peut plus maintenant tolérer que les femmes tombent enceintes. Alors, c'est incroyable. C'est fantastique. Alors, ça, c'est des belles nouvelles, et puis c'est ce qui se passe. Donc, on est parti rondement. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va se refroidir un peu. Et puis après ça, on va revenir avec. On va y aller avec quoi? Je crois qu'on va y aller avec un petit peu les nouvelles sur le 9-1, concernant le 9-1. Il y a plein de développements là-dessus. Et puis après ça, on va enchaîner avec l'actualité et puis l'économie. Énormément de nouvelles à couvrir. Donc, restez à l'écoute. Told me to come on over. I made my way to New York, and they tried to have me deported, stop me from getting work. blacklisted me all over. They were vicious and they were mean. They were big time operators, baby, on the music business scene. Well, they looked like politicians, but underneath they were thugs. And they spread malicious rumors, threatened to have me busted for drugs. They had nothing on me. Oh man, I was really clean. But they were big time operators on the music business scene. They put a bug in my apartment. You're listening on my call. I was looking for some motivation. I couldn't find any motivation at all. They were very desperate people. Ça y est, vous venez d'écouter Big Time Operators, de retour à l'autre monde avec François Marginat sur les ondes de Choc FM, la radio alternative dans le monde. OK, chers auditeurs, on va aborder une petite section sur le 911. Et puis, ça fait suite à certaines nouvelles qui sortent. Ça fait aussi une semaine ou deux, au moins, que j'en parle sur l'autre monde, dans le sens que le mouvement pour le 911 est pour être tenu coupable d'un paquet d'affaires, dont probablement des attaques ou des fausses attaques terroristes. Et puis, vous avez entendu parler de Joe Stack qui a rentré son avion dans un bâtiment de l'IRS aux États-Unis, qui est l'équivalent de Revenu Canada ici, qui collecte les impôts de façon illégale aux États-Unis. Et je dis illégal, bon, j'en ai déjà parlé là sur l'autre monde, faire des recherches là-dessus. L'IRS, c'est une organisation, une compagnie privée qui travaille pour la Fed, et puis on collecte des impôts sans que ce soit légal aux États-Unis, dans le sens que le 16e amendement n'a jamais été ratifié de façon propre et claire. Alors, c'est un peu la même affaire ici au Canada. On en a parlé la semaine passée avec Canada Inc., un article à aller lire sur les 7 du Québec. Donc, nous avons appris la semaine passée qu'un homme fou a tiré, ouvert le feu sur deux agents du Pentagone, la personne a été tuée. Puis là, vous savez, on a tout de suite attribué cet acte à des personnes qui croient, qui font partie du mouvement pour la vérité sur le 911. Alors, c'est encore une autre preuve de ça. Est-ce que c'est une fausse attaque ou est-ce que c'est une vraie attaque? Je vais vous dire ce que j'en pense, mais l'idée là-dedans est encore que, au lieu de comprendre, d'essayer de comprendre quelles sont les vraies motivations de ces personnes qui en ont marre avec le gouvernement et tout ce qui se passe, et puis cette personne était sur des médicaments encore, des antidépresseurs. On sait que les antidépresseurs, ça vous magane plus le cerveau que n'importe quoi. Ça vous affecte, ça modifie la chimie, le fonctionnement de votre cerveau de façon permanente. Les effets sont pires que la cocaïne et puis l'héroïne. Ça, c'est prouvé par des études très sérieuses. Et on sait que la personne qui a ouvert le feu sur ces deux agents du Pentagone était probablement instable mentalement. Donc, un paquet de trucs qui s'ajoutent comme ça. Mais le fait est que dans les médias américains, on présente cette personne-là comme étant typique et puis, en fait, un peu un symptôme du mouvement pour la vérité sur 911. Alors, les autorités au gouvernement américain, dans le Pentagone, les autorités, l'élite qui constitue le vrai gouvernement aux États-Unis est en train de paniquer avec la vérité sur 911 qui est en train de s'affirmer de plus en plus et puis les médias qui commencent à en parler d'une façon de plus en plus objective, quoique ça les nettoie pas de leur responsabilité d'avoir menti pendant toutes ces années et puis d'avoir ainsi permis des guerres au Moyen-Orient qui sont basées sur le 911. Donc on parle de la guerre en Afghanistan et en Irak. Alors, pour faire une histoire qui est longue, pour la rendre courte, réellement, là, ce qui s'est passé rapidement, c'est qu'on commence à avoir des actes comme ça qui commencent à prendre place aux États-Unis. Et puis, on va les attribuer, ça fait déjà quelques mois dans les médias, sous Glenn Beck, et puis d'autres têtes parlantes comme ça aux États-Unis, où depuis quelques semaines et puis depuis quelques mois, on commence à préparer le public à associer des futurs actes de terrorisme ou de vandalisme ou de violence, peut-être même contre le président Obama. Glenn Beck en a parlé sur son programme. Et puis, on commence à préparer la populace comme ça, un peu comme on l'avait préparé avant 2001, en vous présentant Bin Laden en montant quelqu'un dans les médias comme étant le prochain ennemi. Puis là, zoup, quand il y a quelque chose qui se produit, ben les gens sont déjà préconditionnés et on a juste à accuser la figure qu'on est en train de développer dans les médias précédemment, dans les semaines précédentes et puis les mois précédents. Alors, c'est un peu ce qui se passe avec le mouvement, avec le 9-1. Donc, on est en train de vouloir le démolir, essayer de le discréditer, le démoniser. Et puis, à toutes les fois que se produit un événement comme ça, eh bien, on présente la personne comme étant participante du mouvement pour la vérité sur le 9-1. Donc, il faut faire attention là pour pas tomber dans ces pièges de propagande et de manipulation. Vous savez qu'il y a une majorité de la populace à travers le monde, là, surtout en tout cas à travers le monde, et puis maintenant aux États-Unis, plus de la moitié des personnes aux États-Unis ne font plus confiance à l'histoire officielle, la version officielle du gouvernement concernant le 9-1. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en train d'atteindre leur point critique de non-retour où à un moment donné, les gens atteignent ce qu'on appelle un breaking point, là, c'est-à-dire un point où les gens cèdent et puis à un moment donné vient qu'on en a marre. Donc c'est pour ça qu'on commence à parler d'une deuxième révolution américaine aux États-Unis. Et comme on dit, si la révolution pacifique n'est pas possible, eh bien, une révolution violente est inévitable. Donc c'est sûr que c'est pas ce qu'on préconise et c'est pas ce qu'on souhaite, mais sauf que c'est clair que à un moment donné, les gens viennent d'en avoir marre de se faire voler, de se faire mentir, de voir leur enfant partir dans des guerres inutiles et puis revenir dans des cercueils, de se faire plumer de milliards de dollars pour rembourser des banquiers qui se disent en mission de Dieu, littéralement, okay, des gens de Goldman Sachs et compagnie qui disent accomplir l'œuvre de Dieu. Okay? Ça a été publié dans les médias de masse. Donc, à un moment donné, c'est certain que moi, ce que je vous dis, c'est que la révolution à faire, c'est une révolution intérieure, c'est de changer son paradigme de pensée, de retrouver sa souveraineté de pensée, sa souveraineté sur soi-même, de revenir des individus libres, de retrouver la signification de la vie, du sens de la vie, puis de la liberté. Okay? Puis ça, c'est une genre de révolution qui n'entraîne aucune effusion de sang, aucune violence, et puis qui est instoppable, on ne peut pas arrêter. Okay? Donc, c'est même une armée ne pourrait pas l'arrêter. C'est quand les gens vont changer intérieurement que les choses vont aussi se refléter dans le monde extérieur. Okay? Donc, il faut comprendre qu'on a un pouvoir créateur avec notre pensée. Donc, c'est évident que si on essaie de vous mener dans un état de peur, dans un état de crainte, de terreur, eh bien, c'est ce que vous créez. Si vous êtes dans un espace mental et spirituel de paix, où vous visionnez je dirais visionner, oui, mais avoir en tête aussi, comment je dirais, un projet de société, une vision du futur, OK? Où on voit la bonté, la lucidité d'esprit, l'amour être les valeurs premières, eh bien, on va créer un monde aussi comme ça, parce que la pensée est littéralement créatrice, et puis ça, on est en train de le prouver même avec la physique quantique. Alors, de quoi qu'on sait depuis des lustres, okay, depuis des milliers d'années, qu'on a essayé d'expliquer à travers les mythes, autant les mythes religieux, les mythes de la Bible, les mythes grecs, qui sont aussi symbolisés avec le même langage symbolique qu'on a dans les rêves. Okay? Alors, notre esprit a une fonction comme ça de symboliser le monde extérieur, les images, et puis pour mieux comprendre ensuite les lois biogénétiques qui s'appliquent au monde intérieur. Okay? Donc, on utilise ces symboles-là. Donc, comprendre les symboles, c'est comprendre aussi tout ce langage, cette sagesse qu'on perpétue de génération en génération On est en train de redévelopper l'instinct animal dans une intuition, un instinct humain qui est encore plus lucide. Mais il faut se mettre en route, là. Donc, c'est important, comme je vous dis, c'est vraiment le type de révolution qui est souhaitable et puis qu'on veut voir arriver. Sauf que des actes comme on voit apparaître aux États-Unis, donc ce tueur qui a essayé de, en fait, ce tueur, cette personne qui a essayé d'abattre deux personnes du Pentagone, le cas de Joe Stack et ainsi de suite, vous voyez les révoltes en Europe, en Grèce. C'est des signes que la population en a marre, OK? Et puis, c'est des symptômes, OK? Il faut voir ça comme des symptômes. Et puis, c'est ce qui se passe normalement quand on arrive à, ben, comme la Révolution américaine, eh ben, ça a commencé avec des petits actes ici et là. Quand, à un moment donné, les colons en avaient marre de se faire taxer à mort, de se voir être traités comme des esclaves de la royauté qui profitaient d'eux autres pour exploiter les ressources naturelles. Donc, c'est tout une question de cash et de ressources naturelles, de contrôle, de pouvoir. Eh bien, on commençait à tirer comme ça ouvertement sur les soldats britanniques. Et puis, à un moment donné, les soldats britanniques se sont aperçus qu'à un moment donné, les gens tiraient sur eux. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont réalisé qu'on commençait la première révolution américaine. Okay? Donc, c'est des signes précurseurs de ce qui est à venir. Alors, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Sauf qu'on va blâmer ça, on va essayer de discréditer ça en disant que c'est des personnes qui sont malades mentales, des fous, OK? Et puis, on va pas essayer de comprendre les motifs derrière, donc essayer de comprendre la signification de ces actes-là, d'où ils viennent, et puis de comprendre la vraie racine du problème, OK? Donc, un gouvernement qui est rendu une corporocratie, on pourrait dire, c'est rendu... comment je vous dirais, un pouvoir assuré par les hautes sphères financières de Wall Street et puis des banquiers internationaux et puis des corporations. C'est ça qui est le vrai pouvoir, le vrai gouvernement, allié avec bon, le secteur militaro-industriel, secteur de l'énergie, c'est bien certain, le nucléaire, vous avez le pétrole, des intérêts absolument puissants. Et puis, bon, ben, une clique aussi d'idéologues. Comment je dirais, politiques et religieux, comme les sionistes, vous avez les évangéliques, hein, donc vous avez un paquet d'organisations comme ça qui sont très puissantes et très bien financées, puis ont un pouvoir énorme sur la vie quotidienne, sur ce qu'on appelle nos gouvernements aussi. Donc, est-ce que c'est une fausse attaque, donc une false flag, à cette histoire de personnes qui ont ouvert le feu sur des agents du Pentagone? Je ne penserais pas, parce que des fausses attaques, c'est souvent fait sur une grosse quantité de citoyens, de civils innocents. Donc, c'est fait pour vraiment, c'est une opération psychologique, OK? Donc, vous devez comprendre que si la personne qui rouvre le feu est tuée tout de suite après, ben, le dossier est fermé, puis on peut même pas l'utiliser pour essayer de manipuler les masses, OK? Donc, c'est probablablement plus encore un accident isolé, mais comme je vous disais, un signe qui se passe de quoi? C'est-à-dire que la population commence à atteindre sa limite, okay, sa limite d'élasticité et puis de tolérance, déjà qu'on a pris beaucoup sur le dos. Et puis, on est en train d'atteindre un point où les gens vont passer à l'action et puis ça risque de ne pas être très, très joli. Alors, vous avez une série de vidéos d'Alex Jones aussi qui parle de la façon que les médias, qu'on appelle en anglais des prostitutes, alors des prostituées de la presse, sont en train de démoniser le mouvement du 911 pour la vérité. Okay? Donc, vous avez une série de vidéos d'Alex Jones qui est en train de décrire ça puis de décortiquer ça, très intéressant. On pose une question très importante aussi, c'est-à-dire que dans nos sociétés qu'on dit libres, eh bien, il est interdit de poser certaines questions. On essaye de contenir le débat dans certains paramètres, OK? Donc, on dit que vous avez le droit de débattre de ce que vous voulez, mais c'est pas vrai. Si vous sortez des balises qui sont permises, eh bien, on va vous démoniser, rire de vous autres, traiter de malade mental, comme dans l'Union soviétique. Ben, après ça, on les emprisonne, OK? Donc, sous le prétexte que ces personnes-là sont dangereuses pour la société. C'est le titre de mon article de cette semaine aussi, d'ailleurs, sur les sites du Québec, que je vous invite à lire, OK? Donc, je dis que la population est considéré comme étant un ennemi d'État. Okay? Donc, on est en train de démoniser puis de criminaliser toute démonstration publique, même de pensée, de discours qui critiquent le gouvernement. On est en train de criminaliser ça, carrément. Donc, c'est très, très, très, très grave ce qui se passe. Là, il y a des attaques en règle qui se font contre le mouvement, contre le 911. Vous avez l'élite qui commence à paniquer bien raide de ce qui se passe parce que, évidemment, que le 911, c'est le talon d'Achille, OK, de toute cette organisation-là qu'on appelle le Nouvel Ordre Mondial. Appelez-le comme vous voulez, les Illuminati, l'élite, l'establishment, appelez ça comme vous voulez. Mais sauf qu'il y a un effort concerté, c'est évident, de la haute finance, d'éliminer la classe moyenne, de ruiner la planète pour concentrer le pouvoir. Et puis, il y a vraiment une fausse conception qui existe dans la tête de bien des gens, c'est qu'ils se disent, écoutez, on est la vache à lait de ces personnes-là, ils n'ont pas intérêt à nous ruiner puis à éliminer la population. Ben, vous vous trompez, vos recherches ne sont pas assez poussées. Continuez encore votre réflexion. Continuez votre propre éducation, continuez de chercher parce que vous allez comprendre que l'argent, il l'imprime. Okay? Donc, ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont déjà la machine à imprimer l'argent. Okay? Donc, le but, ce n'est pas de faire de l'argent avec nous autres. Il y en a déjà beaucoup trop d'esclaves. Ils peuvent éliminer le 9/10e et puis ils vont en avoir en masse. D'ailleurs, plusieurs de ces jeux eugénistes ont déclaré à plusieurs places, il y a même les Georgia Stone qui sont érigés en Floride, en Géorgie, en réalité, vous avez des déclarations publiques officielles écrites noir sur blanc dans des documents de haute élite du Club de Rome. Vous avez toutes sortes de documents comme ça qui existent, qui sont des documents officiels que vous pouvez aller lire vous-même, où on parle d'éliminer de la moitié aux 4/5 de la population mondiale. Et puis ça, c'est pas moi qui rêve de ça. C'est écrit noir sur blanc, c'est des déclarations. Vous connaissez M. Turner, Ted Turner, le grand propriétaire des médias aux États-Unis, a déclaré que lui voudrait voir la population être réduite de 95 %. Cousteau, vous vous rappelez de Cousteau, qui avait déclaré la même affaire. Vous avez écouté une pensée eugénique qui existe dans cette élite-là, et puis de contrôle, et puis c'est des malades, c'est des psychopathes, OK? Donc, vous devez comprendre que c'est des malades mentales, et puis essayer de les comprendre raisonnement, de façon raisonnable, avec votre mental. Bien souvent, on est incapable même d'apprécier à quel point ces gens-là sont psychotiques et sociopathes, OK? Parce qu'on n'est pas comme ça. La majorité du monde, c'est du bon monde, là. Je veux dire, on a de la misère à croire qu'il y a autant de mal, de voir qu'il y a autant de personnes qui sont prêtes à souffrir, et puis c'est-à-dire à faire souffrir, à tuer de leurs frères, je veux dire. C'est à se demander s'il n'y a pas une deuxième sorte d'humains qui ne sont pas vraiment des humains, mais des machines biologiques, je veux dire. Il y en a qui n'ont vraiment aucun sentiment, c'est évident, aucune compassion, aucune bonté. Donc, ça, c'est bien important à avoir en tête. Et puis, ils ont très, très peur de la vérité. Et puis, une de ces grandes peurs-là, ben, c'est celui du mouvement pour le 911, pour la vérité pour le 911, qui est en train de faire des ravages, d'exposer la vérité, parce que c'est un peu le point central, c'est-à-dire que si on arrive à bien établir dans la conscience de tout le monde qu'il y a eu en plein jour, lors du 11 septembre 2001, une attaque qui a été perpétrée en conjonction avec les services secrets, okay, donc la CIA, le Mossad et certains éléments de l'armée américaine, okay, qu'on a tué 3 000 personnes en plein jour comme ça, puis que les médias vous ont menti. C'est sûr que si on établit la vérité à propos de ça, vous allez comprendre que, un, les gouvernements nous mentent, sont prêts à tuer leurs propres citoyens pour avancer leur agenda. Et puis après ça, vous allez comprendre que les médias vous mentent, mais gravement. Et puis qu'il y a un grave problème, c'est-à-dire qu'un coup que ça va prendre place, le système financier va crasher aussi, c'est évident. Donc, c'est très grave pour eux autres, le 9-1, que ça soit exposé. OK? Donc, il va y avoir des attaques très cinglantes contre ça. On va vous traiter de n'importe quoi, de conspirationniste, de malade mental. C'est une chasse aux sorcières. Ça fait des milliers d'années qu'on utilise le même stratagème pour ostraciser ceux qui avance la vérité. Vous vous rappelez comment Galilée a été traité quand il dit que la Terre n'était pas plate. On a fait la même affaire que ce qu'on fait au mouvement de 9-1. Okay? Donc, on vous traite de malade mental parce qu'on a peur que vous approchiez de la vérité. C'est tout simplement ça. On a peur que vous pensiez par vous-même, que vous commenciez à faire vos recherches. Donc, les gens vont se couler douce, vont juste écouter les sources officielles, vont écouter la télévision, hein? Ce qu'on vous dit de ne pas penser. On dit, oh, on va commencer à rire. Ah, si vous pensez comme ça, ha, ha, ha, vous êtes des cons. Donc, c'est très facile de manipuler les gens comme ça. Puis si vous embarquez là-dedans, c'est parce que vous êtes des pauvres intellectuels, puis vous avez peu de courage intellectuel et spirituel de vous informer, de penser par vous-même et puis d'aller chercher l'information et de réfléchir par vous-même. OK? Donc, vous avez même le Washington Post qui a traité ceux qui cherchent la vérité de des théoriciens de la conspiration, des lunatiques. OK? Vous avez un membre du Parlement japonais qui s'appelle Yukihisa Fujita. Okay, qui, lui, pense déclarer dans les médias que le 9-1 est un scandale, un gros mensonge. Okay? Donc, on le traite de malade mental. Donc, vous voyez que le gouvernement est en train de paniquer, est en train de peser sur le bouton de panique, okay, pour essayer de couvrir la vérité sur le 9-1. Mais vous avez des choses indéniables, okay, comme... vous avez des éléments, écoutez, là, je vais vous résumer ça dans un bloc assez rapidement, là. Ça fait déjà 20 minutes que je passe là-dessus. Ça va prendre une certaine. Attends, je vais essayer de passer une autre 10 minutes là-dessus, et puis après ça, partir avec. Je vais essayer de faire l'économie après, là. J'aurai pas le temps de tout faire encore cette semaine, évidemment. Mais je parle de ça parce qu'il se passe des affaires assez importantes en ce moment par rapport au 9-1. C'est important qu'on les rende bien clairs, okay, qu'on soit bien conscient de ce qui se passe pour défaire la manipulation. Et puis, j'ai reçu un courriel cette semaine d'un de nos éditeurs qui appelait à quelques reprises sur le programme, que j'apprécie beaucoup. J'ai nommé Ghislain. Okay, donc, Ghislain qui m'écrit... Me parlant du fait qu'un grand reportage RDI a passé un documentaire sur le World Trade Center 7, okay, qu'on a appelé la conspiration démontée. Alors, Ghislain me dit dans son courriel qu'en gros, il doit avouer qu'ils ont eu le temps de bien préparer la riposte et que ceux qui ne croient pas à la version officielle ont mal paru, dont Richard Gage, qui est le fondateur de l'organisation dont je fais partie, donc architecte et ingénieur pour la vérité sur 9-1, qui a dit que les explosifs ont peut-être été greffés à l'édifice lors de la construction en 1987. Il y a un expert qui rit de cette hypothèse en affirmant que les explosifs ont une durée de vie de 3 ans environ. Donc, il dit qu'ils ont démontré que les feux dans l'édifice étaient très intenses et ont causé sa chute, ce que je ne crois pas personnellement. Donc, ça, c'est Ghislain qui écrit. Il dit que, pour sa part, son cheval de bataille par excellence, le 9-1, est le fait que les autorités américaines ont enlevé les enregistrements des dizaines de caméras qui ont filmé l'engin qui s'est abattu sur le Pentagone. Si c'était vraiment un Boeing, ils se seraient empressés de le montrer, mais puisqu'ils ne le font pas, c'est sûrement parce qu'ils ont vraiment intérêt à ce qu'ils ne voient pas à l'évidence et ils ont catalogué ça secret d'État. Alors, Ghislain dit qu'il va passer l'information que je vais vous raconter, que je vais vous expliquer ici, à ses amis, qui d'ailleurs, ils saluent. Alors, je prends la peine de les saluer aussi en ondes, les sceptiques d'Arkema, OK, donc les gens de Shawinigan. Alors, salut les gars, ça fait plaisir de vous avoir à l'écoute ici de l'autre monde, et puis je vais vous demander un 10-15 minutes de votre temps, OK, je vous mets au défi de faire vos recherches, puis au lieu de dire à n'importe qui arrive, qui parle du 9-1, de dire « Ah, oh, c'est des théories de conspiration, nanana », faites vos recherches, OK? Vous allez comprendre qu'à un moment donné, si vous soutenez la version officielle, c'est que vous soutenez des affaires comme que les lois de la physique ont changé la journée du 9-1. Très important. Donc, il faut faire bien attention avant d'affirmer qu'on croit en la version officielle ou pas. Parce que la question, c'est pas de savoir ce qui s'est passé réellement du 9-1, parce que la vérité par rapport à ça, c'est qu'on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des milliers de contradictions. Et puis, il y a des centaines ou des milliers d'éléments qui sont en direction complètement opposée de la version officielle. Ce qui est évident, c'est pas ce qui est arrivé exactement ce jour, cette journée-là, parce que c'est exactement ce qu'on cherche à savoir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas eu la vérité. C'est ça qui est clair. Ce qui s'est passé réellement, le Pentagone, la journée du Pentagone, on ne sait pas. Comment que les tours se sont réellement écrasées, écroulées, en 11 et 14 secondes, on commence à avoir une idée. Mais on ne sait pas exactement parce qu'on nous cache encore beaucoup trop d'éléments. On ne nous a pas raconté la vérité. OK? Donc là, je commence. Écoutez bien ça. Puis ça va répondre aussi un peu aux questions de Ghislain. Parce que la question de savoir ce qui s'est écrasé réellement dans le Pentagone, c'est-tu un Boeing? C'est-tu un missile? C'est-tu un petit avion? La réponse est, on ne le sait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des dizaines de caméras qu'on a confisquées et qu'on n'a pas encore montrées publiquement. C'est au moins une centaine. OK? Donc, déjà là, on parle d'un cover-up. Pourquoi qu'on ne nous montre pas ces caméras-là? On ne sait pas ce qui s'est écrasé dans le Pentagone. On voudrait le savoir. OK? Donc, pourquoi qu'on nous refuse? Grosse affaire. Bon. Deuxième affaire. Ça, ce n'est pas le point le plus important, là. Ce que vous devez comprendre, là, c'est qu'on a trouvé de la termite, OK? Des résidus de termite autour de tous les bâtiments qui se sont écroulés. Donc, World Trade Center 7, 1, 2 et 7. La termite, c'est quoi? C'est un explosif incendiaire qui brûle à très haute température, qui est utilisé typiquement dans des opérations militaires et de démolition contrôlée. Okay? On a trouvé des traces de termite qui n'étaient pas encore explosées, qu'on a établies scientifiquement et vérifiées par les pairs. Ça a été publié dans une revue et puis ça a été vérifié par les pairs. Okay? C'est indéniable. On a trouvé de ça. Donc, ça, c'est déjà un élément très, très, très important. Deuxièmement, si dans le reportage ARDI, on s'attaque à la seule chose que Gage a déclaré que les explosifs auraient déjà été prépositionnés à la construction des bâtiments, s'il s'attaque à la seule affaire pour discréditer tout ce qu'il a à dire, eh bien, je vais vous dire que ça commence à faire dur parce que ce que M. Gage avance, et puis que, je veux dire, qu'il a présenté pour convaincre qu'on est au-dessus de 1100 architectes et ingénieurs, 1100 architectes et ingénieurs professionnels du bâtiment qui ont analysé ce dossier-là puis qui disent, attendez, il y a une erreur. C'est évident que ces bâtiments-là ne se sont pas écrasés à cause de des avions. Ces 1100 architectes et ingénieurs-là ne vous disent pas exactement comment ça s'est passé parce qu'on ne sait pas. Ce qu'ils demandent, c'est une nouvelle enquête indépendante, internationale, et puis qu'on soit consulté. Parce qu'on est des professionnels du bâtiment. Right? Alors, vous avez au-dessus de 100 000 tonnes de béton et d'acier qui n'a pas fondu, pas seulement fondu, qui a été vaporisé, vaporisé, du béton vaporisé. Alors là, je vous mets au défi de faire rentrer un avion dans un bâtiment puis de faire vaporiser le béton. OK? De l'acier vaporisé, et puis on a une boule qui s'appelle le météore, qui est dans un hangar à quelque part à New York. Il y a des images qui existent de ça, c'est documenté, ça existe, OK? Des preuves physiques qui existent. Le météore, c'est quoi? C'est des morceaux d'acier, des beams d'acier structurel qui ont fondu. Vous avez des armes de policiers qui sont pognées là-dedans, avec des morceaux d'ordinateur, de toutes sortes d'affaires. Donc, une boule d'éléments fondus ensemble. Et puis pour fondre de l'acier structurel, là, ça prend pas mal plus que du gaz d'avion. OK? Pas mal plus. Vous avez un nombre impressionnant de pompiers, dont les pompiers pour la vérité sur le 911, des pompiers qui étaient sur les lieux, dont lesquels on a refusé les témoignages dans la commission pour le 911, des policiers qui ont entendu des bombes, des policiers qui étaient sur les lieux, qui ont entendu et vu exploser des bombes. Vous avez des policiers de la NYPD qui racontent la même affaire. Alors, si vous voulez dire que ces gens-là, c'est des conspirationnistes, des malades mentales, c'est comme vous voulez. Mais c'est des gens qui étaient sur les lieux. Du personnel de secours qui était sur les lieux, qui ont entendu des bombes exploser, plus des reporters. Vous avez des clips audio de reportages de médias dans lesquels vous entendez les bombes qui explosent en arrière. Bing, bam, boum! Vous avez plusieurs personnes qui étaient sur les lieux, qui ont entendu et vu des bombes exploser. Que dire de CNN et BBC qui ont annoncé l'écroulement du World Trade Center 7 26 minutes avant que ça se produise pour de vrai? 26 minutes avant que ça se produise. Vous avez le reporter de la BBC qui est en train de dire que le World Trade Center 7 s'est écroulé alors que le building est en train de se tenir derrière elle pendant encore 26 minutes. Expliquez-moi ça. On a vérifié toutes les étiquettes de temps. Tout est légitime et tel quel. Alors, comment que ces deux réseaux, comme BBC et CNN, ont reçu une information disant que le World Trade Center 7 était pour s'écrouler? Qui savait et qui a poussé l'information dans ces médias-là? Et on a fait une erreur de divulguer le reportage trop tôt, en avance, que le World Trade Center s'écroule. Alors, c'est triste, mais ça va très, très mal pour la version officielle. Vous avez 41 anciens responsables des États-Unis qui ont travaillé pour différents services du renseignement de contre-terrorisme qui ont sévèrement critiqué le compte-rendu officiel du 911. La plupart d'entre eux demandent de nouvelles enquêtes. Il est scandaleux que la majorité des États-Unis et les populations des pays de l'OTAN soient maintenues dans l'ignorance totale de leurs déclarations publiques, conséquence immédiate du refus des organismes de la presse comme des médias de masse de traiter cette question d'une extrême importance. La crédibilité de ces personnes et leur loyauté envers le pays ne peuvent être mises en doute, ce que démontrent des années de services passés à collecter et analyser l'information, à planifier et à effectuer des opérations cruciales pour la sécurité nationale des États-Unis. Ces 41 personnes ont travaillé pour le département d'État, l'Agence de la sécurité nationale, la NSA, l'Agence centrale du renseignement, la CIA, le Bureau fédéral d'investigation, FBI, l'Administration fédérale d'aviation, la FAA, le Bureau des douanes de la protection des frontières, ainsi que pour diverses sections de l'armée des États-Unis. OK? C'est pas des tatas qui racontent ça, là. Vous en voulez une autre, une bonne? Les responsables de la commission pour le 9-1-1, les responsables, la tête, la commission pour le 9-1-1, sont ceux qui ont produit la version officielle du 9-1-1, ont confirmé ce que nous savions depuis tout ce temps-là, c'est-à-dire que le gouvernement américain a menti à propos des événements entourant les attaques du 9-1-1. Le gouvernement américain avait confié la responsabilité de la commission d'enquête du 9-1-1 à l'ancien attorney général du New Jersey, John Farmer. John Farmer et la commission avait reçu comme mandat d'enquêter sur la réponse du gouvernement face aux attaques. Y siégeait l'ancien gouverneur du New Jersey, Thomas Keene, et l'ancien congressiste de l'Indiana, Lee H. Hamilton. Dans le livre de John Farmer, qui s'appelle « The Ground Truth, The Story Behind America's Defense on 9-11 », l'auteur bâtit un dossier autant convaincant qu'incontournable du fait que la version officielle est quasiment entièrement fausse. La commission sur le 9-1-1 nous dit maintenant que cette version officielle du 9-1-1 était basée sur des faux témoignages et documents, donc elle est presque entièrement fausse. Les détails de ce massif escamotage de la vérité par le gouvernement sont soigneusement étalés dans le livre de John Farmer, qui elle était la tête de la commission sur le 9-1-1. Okay? L'édition du 11 septembre 2009 du Time Magazine présentait précisément cette histoire en appelant un nouveau regard sur la commission sur le 9-1-1. M. Farmer soulignait au Time Magazine, lorsque des entrevues avaient été menées au centre de la FAA de New York la nuit du 9-1-1, que ces enregistrements furent détruits. Les enregistrements d'interrogation de la CIA furent aussi détruits. Et puis M. Farmer décrit, et cite, « L'histoire du 9-1-1 elle-même, le moins qu'on puisse dire, est déformée et complètement différente de la façon dont les choses se sont réellement passées. » Farmer, directeur de la School of Law des universités de Rutgers, ne fait pas chemin seul. Il a la coopération et l'accord d'autres membres de la commission du 9-1-1. Il n'accuse pas Cheney ou Bush d'avoir donné le 9-1-1 dans son livre, mais il écrit clairement que le FBI, la CIA, la Maison-Blanche et NORAD ont menti délibérément à la commission. Est-ce appuyé par des preuves documentées? Oui. Farmer déclare, à un certain niveau du gouvernement, à un certain moment donné, il y a eu une entente pour ne pas révéler la vérité à propos de ce qui s'est passé. Il dit « J'ai été choqué de voir la différence entre la vérité et la manière dont elle a été décrite. Les enregistrements du NORAD racontaient une histoire radicalement différente de ce qu'on nous a dit ainsi qu'au public depuis 2 ans. » Thomas Keene, ancien gouverneur républicain du New Jersey, avait ceci à dire. « Jusqu'à ce jour, nous ne savons toujours pas pourquoi le NORAD nous a raconté ce qu'ils nous ont raconté. C'était tellement loin de la vérité. » Fin de la citation. La commission avait décidé de ne pas entendre le groupe de travailleurs qui a connu le plus de pertes de vie lors du 9-1-1, soit les pompiers. Nombreux sont les témoignages de pompiers de témoins rapportant des explosions multiples partout dans ces 3 bâtiments du complexe World Trade Center qui furent complètement réduits en poussière et vaporisés. Est-ce que ça commence à vous expliquer un peu ce qui probablement a été complètement offusqué dans ce faux reportage, ce grand documentaire, hein, de conspiration démontée? À RDI. Est-ce qu'on vous a raconté ces choses-là? Est-ce qu'on vous a raconté le fait que les États-Unis étaient considérés comme étant sous attaque, que Dick Cheney et Rumsfeld étaient partis en abri dans les minutes qui ont suivi que le premier avion a frappé le World Trade Center, mais que Bush, qui était président des États-Unis, qui est en train de lire une histoire dans une école élémentaire en Floride, savez-vous que Bush, lui, avait été jugé comme étant à une place sécuritaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas jugé bon de l'arracher à sa chaise, de le sacrer dans une limousine, puis de partir au plus sacrant, parce que Bush était à un événement qui était connu publiquement plusieurs jours à l'avance. Alors, comment qu'ils savaient les services secrets qui entouraient Bush, qui protégeaient Bush, qui ont pour mission de protéger le président, qui à la moindre menace, on le pogne par le collet, on le sac dans une limousine, puis on s'en va le cacher à quelque part. Comment ça se fait que le vice-président, lui, on le pogne par le collet, puis on le sac dans un abri, mais que le président, lui, est jugé comme étant sécuritaire, entouré de petits-enfants dans un événement qui est connu publiquement plusieurs jours à l'avance. On le laisse continuer de lire un petit livre à propos de des chèvres pendant des dizaines de minutes après que le premier avion s'est écroulé, c'est-à-dire s'est écrasé dans le World Trade Center 7. Grosse question, hein? Ça, c'est des choses qu'à un moment donné, il faut affronter, puis il faut, je veux dire, il faut pas être malhonnête intellectuellement, puis les balayer de la table, puis te dire bla bla bla. Allez vérifier ce que je vais vous dire, parce que si vous n'êtes pas capable de démontrer ce que je viens de vous dire comme étant faux, si vous n'allez pas lire ces affaires-là, si vous n'allez pas vous renseigner, ben fermez-vous là. Arrêtez de rire des gens qui vous disent ce qui s'est passé le jour du 9-1. Arrêtez de les traiter de conspirationnistes. OK? S'ils vous racontent des histoires sans dessin, OK. Mais je veux dire, tous les détails que je viens de vous raconter, c'est pas des histoires. OK? C'est des évidences documentées. C'est des choses qui existent. Si vous n'êtes pas capable d'aller les lire vous-même, de vous rendre compte de ce qui se passe, et puis après ça, de venir rationnellement en débattre, je vous invite, OK, personnellement, à venir en débattre, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous pensez que la version de la vérité, si vous croyez que la version officielle du 911 du gouvernement est la vérité, je vous mets au défi de venir en débattre ici, puis de montrer, de me prouver le contraire, de venir me prouver que tous les éléments que je viens de vous dire sont faux. Mais soyez courageux, OK? Soyez pas des peureux intellectuels. Choisissez pas le chemin facile de juste discréditer ceux qui cherchent la vérité pour le 9-1 comme étant des malades mentales, des conspirationnistes, hein? L'étiquette qu'on utilisait pour ostraciser ceux qu'on appelait des sorcières, hein? La chasse aux sorcières. Parce que les gens sont des peureux intellectuels. C'est bien facile de rire du monde. C'est bien facile de rire des gens comme Galilée qui disait que la Terre était pas plate, était ronde. C'est bien facile à faire. Ce qui est difficile, c'est de s'asseoir, de prendre une coupe d'heure de son temps, de commencer à les lire, de commencer à les voir ce qu'on avance, les preuves, les documents qu'on vous met sous le nez. Un petit peu de courage, mes amis. Un peu de courage. Est-ce que toutes les gens qui vous racontent, qui essaient d'attirer votre attention, sont des malades mentales? Allez voir un article que je vais mettre en ligne encore sur les nouvelles internationales qui s'appelle « Highly credible people question 9-11 ». Des personnes très crédibles questionnent la version du 911. Bon, ben là, comme je vous disais, vous avez les gens de la commission sur 911, eux autres même, qui vous disent que c'était pas vrai. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux dire, si vous croyez à la version officielle, puis ceux qui l'ont écrite, la version officielle, vous disent qu'elle est pas vraie, qui est basé sur un paquet de mensonges, c'est rendu que les gens sont sortis publiquement la tête de la commission 9-1 pour vous dire, écoutez, là, ce qu'on vous a raconté dans le livre, là, c'est pas vrai, c'est basé dessus des mensonges, puis tout, on nous a refusé l'accès à l'information, il y a un cover-up, OK? Je veux dire, à un moment donné, c'est déjà là, le débat s'arrête, OK? Vous avez des gens au Congrès américain, vous avez le co-chair de Congressional Inquiry into 9-11, l'ancienne tête du Sénat, sur le comité du renseignement, Bob Graham, qui a raconté que le 911 n'était pas vrai. Okay? Vous avez le congressiste, le sénateur Patrick Leahy, qui lui raconte aussi que, bon, c'est pas toute la vérité à propos de ça. Vous avez Ron Paul, un congressiste américain, qui demande une nouvelle enquête sur le 911. Vous avez un autre congressiste démocratique, Dennis Cuccini, qui disent qu'on n'a pas toute la vérité à propos du 9-1. Vous avez Mike Gravel, un autre ancien démocrate, qui dit lui aussi qu'il supporte une nouvelle enquête sur le 9-1. Et puis vous en avez. Vous avez des leaders militaires. Okay, vous en voulez des gens crédibles, des leaders militaires. Vous avez le Deputy Assistant Secretary of Defense sous le président Ronald Reagan, qui s'appelle le colonel Ronald D. Ray, qui dit que la version officielle du 9-1 est complètement loufoque. Okay. Vous avez le directeur du programme Star Wars, okay, du défense du bouclier antimissile, autant dans républicains que des administrations sous les démocrates, un ancien colonel des forces aériennes américaines. Okay. Ce n'est pas des gens, des tâtons, là, colonel Robert Bowman, qui dit que le 9-1 était une inside job. Vous avez l'ancien président de l'Italie, qui était aussi le chef des services du renseignement, qui a mis à jour les opérations Gladio, okay, des services secrets en lien avec la CIA, qui faisait exploser des bombes sur les marchés publics pour blâmer sur les communistes, pour terroriser la population, pour qu'ils votent dans le sens qu'ils veulent. Alors, une personne très importante qui dit que c'est évident que tous les services du renseignement du monde savent que le 9-1 est un inside job fait par la CIA et le Mossad israélien. OK? C'est pas des totons, là. La U.S. Army Air Defense Officer, NORAD, le directeur du NORAD, décoré avec un Purple Heart et puis le Bronze Star et puis la médaille des soldats, le capitaine Daniel Davis, dit qu'il n'y avait aucune façon qu'un avion ne serait pas intercepté ou dévié de leur plan de vol, okay, qui aurait pu fermer leur, vous avez des genres de petits transpondeurs, là, des genres de systèmes dans les avions qui, si on met à off, ben là, ils n'apparaissent plus sur les radars. Donc, à ce moment-là, zap, dans la minute qui vient, vous avez des avions militaires qui décolle aux États-Unis pour aller intercepter ces avions-là. Il dit, lui, aucun sens que ces avions-là dans le ciel de New York aient pu voler aussi longtemps, comme ça, de façon impunée, là. Je veux dire, OK, donc, il appelle, lui, la version officielle, la vraie théorie de conspiration, OK? Un autre général de l'armée, le commandant général des opérations européennes, OK, le commandant suprême des forces alliées d'Europe, décoré avec une étoile de bronze, et puis une étoile d'argent, et puis le cœur violet, donc le Purple Heart, OK, donc le général Wesley Clark, qui dit qu'on n'a jamais fini les enquêtes de 9-1. Pas des totons, pas des sans-dessins qui vous disent ça. Un autre colonel lieutenant, avec 24 ans de service dans la Air Force, vice-chancelier pour les affaires étudiantes dans l'Institut du langage de la défense du langage, le lieutenant-colonel Steve Butler, qui disent que bien sûr que Bush savait que les attaques étaient pour se passer. Il a fait absolument rien pour avertir le peuple américain. On avait besoin de la guerre contre le terrorisme, OK? Un autre général 2 étoiles, le Major General Albert Stubblebine, questionne les attaques sur le Pentagone, OK? Hey, c'est pas des sans-dessins, là. Vous avez des professionnels du renseignement qui vous disent la même affaire, OK? Donc, des professionnels du renseignement, des services secrets qui vous disent ça, un vétéran de la CIA de 29 ans, ancien officier de la National Intelligence, ancien directeur de la CIA pour The Regional and Political Analysis, William Bill Christensen, qui dit qu'on n'a aucune preuve pour supporter la version officielle, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous avez un autre Marine Corps ici de 20 ans, un ancien intelligence officer, ancien U.S. Marine Corps Intelligence, ancien officier dans les services clandestins de la CIA, qui disent qu'on ne sait pas encore là ce qu'on a besoin. On a permis le 9-1 d'arriver pour servir comme un prétexte pour la guerre. Ok, donc là, écoutez, je ne vais pas vous lire ça. Là, vous en avez, je pense, 9 pages de même. Des scientifiques, la même affaire. Vous avez des professeurs d'université. Vous avez les ingénieurs, les architectes, comme je vous parlais. On est rendu 1114. Okay? Vous avez des avocats, vous avez des gens en loi, vous avez des anciens membres et puis des gens qui des services de secours qui étaient présents là. Vous avez des psychiatres, des psychologues qui sont aussi pour la vérité sur 9-1 et puis des milliers d'autres. Vous avez les familles, vous avez plus de la moitié des familles des victimes du 9-1 qui affirment que le 9-1 est un inside job. Donc, je sais pas si vous commencez à comprendre un peu là. Donc, moi, ce qui me concerne, le 9-1, c'est un dossier fermé. C'est évident que c'est un inside job. C'est évident qu'il y a un cover-up. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé exactement dans les détails? Non. Il n'y a personne qui affirme savoir la vérité à propos de ça. C'est le mouvement pour la vérité, c'est-à-dire qu'on veut avoir la vérité, parce qu'il est évident qu'on ne le sait pas. Quand vous avez les rédacteurs en chef de la commission de le 9-1 qui vous disent que la vérité n'a pas été faite, le gouvernement a refusé de vous dire ce qui s'est réellement passé cette journée-là, il est peut-être temps que vous commencez à vous poser des questions. Il n'y a pas rien d'autre que je peux vous dire, que personne ne peut vous dire de plus pour vous convaincre qu'il y a des contradictions graves et irréconciliables avec la version officielle, que la version officielle est pleine de trous, de contradictions et de mensonges très graves, gros comme le bras. Enfin, si vous ne voulez pas les voir, comme ils disent, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir la vérité, okay? Qui est conditionné, qui a peur intellectuellement de s'aventurer, de connaître la vérité. Okay? Donc, c'est plus facile de traiter les autres de conspirationnistes, d'hurlus-berlus, ben, continuez. C'est pas plus grave, je dis, il n'y a rien à faire avec ça. Je veux dire, c'est, à un moment donné, c'est un refus de voir la réalité en face. Si ça brasse trop votre paradigme de pensée qu'un gouvernement peut tuer en plein jour 3000 personnes de ses propres citoyens, il n'y a rien qui va arriver à l'ébranler. C'est un peu comme dans la matrice quand on vous présentait la pilule rouge et la pilule bleue. Et puis qu'on vous disait qu'il y en a qui vont être prêts à défendre le système et puis l'illusion parce qu'ils sont trop engrainés dedans, sont trop imbriqués dedans. Ils dépendent de ce système-là, leur vision du monde dépend de ça. Donc, ça va trop venir brasser les fondations de leur vision du monde, de leur identité par rapport à ça, de leur paradigme de pensée. Puis c'est ça qui est vraiment important à propos du 9-1-1, c'est que ça vient déchirer le tissu de l'illusion sur le monde dans lequel on vit. C'est un monde brutal où la vérité fait dur. Je suis désolé, la vérité fait dur. Elle est pas belle. Désolé, elle n'est pas belle. OK? Mais de faire le pas courageux de comprendre ce qui se passe réellement va vous libérer. OK? Donc, ne vous méprenez pas. Il y a une grande récompense après ça. C'est la libération de votre pensée et puis de recouvrer votre autonomie, votre indépendance, votre souveraineté de la pensée et puis de cesser de vous faire manipuler puis de revenir des êtres souverains et libre mentalement, OK? Parce que là, vous êtes prisonnier de vos conditionnements, OK? J'ai passé pas mal de temps là-dessus, plus que ce que je pensais, mais c'est important de frapper fort pendant que la vérité pour le 9-1 est en train d'éclater en plein jour, la version officielle est en train de craquer de tous côtés, et puis on est rendu à un point où on est à démoniser le mouvement de 9-1 et puis l'identifier à du terrorisme, OK? On est en train d'identifier carrément le mouvement pour le 9-1-1, à du terrorisme, à un mouvement criminel. C'est ce qui est en train de se passer littéralement dans les médias aux États-Unis. Et puis déjà ça devrait sonner quelques alarmes dans votre cerveau, parce que c'est pas une première historique qu'on fait ça dans des mouvements qui sont dangereux pour l'ordre établi, dangereux pour le pouvoir en place, dangereux pour tout ce conditionnement qu'on a mis en place, la propagande qu'on a mis en place pour contrôler votre pensée, pour vous tenir dans les rangs, pour justifier ce qui se passe au Moyen-Orient, justifier les politiques et tout cet appareil totalitaire de surveillance de vos vies, d'État policier, qui est tout basé sur ce moment historique qui est le 9-1-1, qui a été une charnière, un moment très important et qui est crucial. Plus que crucial, parce qu'on a déjà sacrifié au-dessus d'un million de vies au Moyen-Orient, un génocide qui va être reconnu comme tel dans l'histoire, qui est basé sur le 9-1-1. C'est très important et crucial qu'on fasse éclater la vérité, puis qu'on identifie les vrais responsables, et puis qu'on fasse la vérité par rapport à ce qui s'est réellement passé le jour du 9-1-1. OK? Tiguidou! Alors, écoutez, je viens de prendre une décision, là, on a déjà passé quasiment tout le temps qu'on avait, il resterait normalement une dizaine de minutes à l'émission, mais on va défoncer l'heure et demie, alors je vais étendre l'émission à 2 heures cette semaine. C'est important qu'on passe aussi dans le dossier de l'économie, parce que c'est, écoutez, là, ça n'a quasiment pas de bon sens ce qui se passe, je veux dire, il faut absolument qu'on passe à travers de ça cette semaine. Puis là, c'est sans compter l'actualité. Alors, on va défoncer l'émission. On va défoncer l'une heure et demie. On va se rendre à 2 heures cette semaine. Donc, restez avec moi. On va faire une autre petite pause musicale. Puis on se retrouve tout de suite après. Ciao. Thank you. Vous êtes de retour à l'autre monde, François Marginot au micro, et puis toujours à l'écoute de l'excellente chaîne Choc FM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, je ne peux m'empêcher de faire un dernier retour sur le 9-1. Il me revenait des éléments encore en tête durant la pause. Écoutez, pour terminer ce que j'avais à dire, donc si vous écoutez un reportage de RDI qui rit de Richard Gage en disant qu'il s'attaque à un détail. Alors, bien sûr, on se demande comment que si on a affaire à une job de démolition contrôlée, comment ces explosifs ont pu se rendre dans ces tours. Alors, il y a une question là-dessus qui est évidemment pas éclaircie. On ne sait pas trop comment que ça s'est fait exactement, quoiqu'on a quelques éléments pour comprendre, mais j'embarquerai pas là-dedans. Donc, on s'est attaqué à un élément, une spéculation de Richard Gage dans ce reportage à RDI. Disant que lui pensait peut-être que les explosifs avaient été prépositionnés dès la construction, et puis là, on a ri de ça. Comme je vous disais, c'est assez pauvre intellectuellement, parce que si vous allez sur le site et si vous prenez le temps d'y aller, hein, pour faire vos recherches vous-même, au lieu de vous faire dicter quoi penser, eh bien, vous allez trouver plusieurs dizaines de points, dont des présentations PowerPoint, qui sont très, très claires et puis qui expliquent comment que ces bâtiments-là n'ont pas pu s'écrouler à cause d'avions qui se sont écrasés dedans et puis de feux subséquents. C'est évident que il y a beaucoup plus dans cette histoire-là à connaître et puis il y a des centaines de raisons pour croire que Richard Gage a pu convaincre plus de 1000 architectes et ingénieurs de signer, de s'aligner dans cette organisation pour réclamer la vérité sur 9-1. Les architectes et les ingénieurs, c'est pas des gens, des conspirationnistes, des hurluberlus, des fuckés dans la tête, OK? Je veux dire, ces gens-là sont plutôt rationnels. Et si on arrive à les convaincre en leur montrant les évidences, en leur expliquant les détails de tout ce qui s'est passé là-bas et de la façon que ces bâtiments se sont écroulés dans leur empreinte à la vitesse de la chute libre, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont assez importants pour convaincre ces gens-là. Donc, je vous invite à aller les voir et puis à vous rendre compte vous-même de la réalité. Donc, si on s'attaque seulement qu'à ce détail et puis qu'on ne peut pas s'attaquer à tout le reste de ce que Richard Gage a à raconter, c'est que vous devez comprendre à un moment donné que la thèse contre ceux qui cherchent la vérité qu'on a fait un est très, très, très faible et très, très, très inoffensive. Je veux dire, ces gens-là se bataillent avec des petites branches contre la vérité, OK? Donc, c'est clair qu'à un moment donné, il faut pousser un peu plus loin que ce qu'on vous présente, ce qu'on essaie de vous faire comprendre de ce que vous faites, ce qu'on essaie de vous modeler comme mode de pensée, OK? Il y a des évidences, vous savez, si ces bâtiments-là s'étaient vraiment écroulés à cause de la fameuse théorie de la crêpe, là, c'est-à-dire qu'il y aurait des boulons qui auraient sauté, puis le tout, ça serait démonté comme ça. Déjà, l'impact de plancher à plancher aurait ralenti considérablement la chute de ces bâtiments. Ça, c'est évident. Donc, ça serait écroulé dans beaucoup plus de temps que quelques secondes. Et on se serait retrouvé à la base avec une empilade de matériaux et puis de planchers qui auraient fait plusieurs dizaines, c'est pas des centaines de mètres de haut, OK? Donc, ça, c'est un autre élément très important. Alors, on s'est retrouvé non avec des débris comme ça, mais des nuages de poussière de l'ordre de microns, OK? Donc, pour pulvériser du béton et puis de l'acier, on a besoin de beaucoup plus d'énergie qu'un simple écroulement d'étage à étage. Ça, c'est un autre élément qui défie les lois de la physique et puis tout le génie structurel et architectural qu'on a développé au cours de des centaines d'années. Donc, quand je vous disais que croire à la version officielle, c'est croire que la loi de la physique s'est interrompue cette journée-là, c'est littéralement ça, OK? Vous devez comprendre qu'il s'est passé des choses-là qui ne sont inexplicables avec la version officielle. Inexplicables, physiquement, chimiquement, OK? Il y a des détails comme les 700 fragments d'os de moins de 1 à 3 cm de longueur qu'on a retrouvé sur les toits avoisinants des tours jumelles. Alors, comment des fragments d'os ont pu se retrouver là s'ils n'ont pas été soufflés par des explosions? Comment que des beams d'acier qui pèsent plusieurs tonnes ont pu être projetés à l'horizontale à plusieurs centaines de mètres par seconde s'ils n'ont pas été soufflés là par des bombes? OK? Ils sont allés se pointer, s'écraser et puis se planter dans des bâtiments avoisinants. Comment vous pouvez avoir des structures d'acier qui s'écroulent dans le chemin de la plus haute résistance structurelle? C'est une notion d'architecture et puis d'ingénieur très importante à comprendre. Une structure va s'écrouler dans le chemin de la plus faible résistance. OK? Donc, si vous aviez, comme par exemple, je crois que c'était la tête de la tour nord qui avait commencé à tomber sur le côté, et puis après ça, ce mouvement de momentum-là s'arrête et puis descend ensuite. Donc, pour faire changer un mouvement, un momentum qui s'en va dans une direction, puis le faire changer dans une autre direction, il faut saper la structure sous celle-ci, OK? Donc, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune résistance structurelle verticale. Donc, il y a aucune façon de faire ça, sauf que de souffler ces colonnes-là, de faire en sorte qu'on enlève tout le support structurel de ce bâtiment-là à partir du dessous, OK? Donc, ces bâtiments-là ont été soufflés étage par étage et puis se sont écroulés sur leurs propres traces, OK? Vous avez le World Trade Center 7, je ne sais pas si vous en avez parlé dans ce fameux reportage de RDI. Mais ce bâtiment-là s'est écroulé en moins de 10 secondes dans ses propres traces sans toucher les bâtiments de l'autre côté de la rue. Impossible à faire sans une job de démolition contrôlée. Impossible. Impossible. OK? Essayez d'expliquer ça. Je veux dire, il n'y a aucun moyen rationnel d'expliquer ça sans considérer la démolition contrôlée. Donc, c'est des éléments très importants. Saviez-vous qu'il y a un autre rapport officiel? Il y a deux rapports. Il y a la commission sur le 911, puis il y en a un autre qui a été émis par le NIST, le NIST. Alors, faites des recherches sur Internet, faites-les vos recherches, OK? C'est important. Donc, vous avez le NIST qui a publié un rapport de plusieurs centaines de pages qui est censé expliquer comment ces bâtiments-là ont pu s'écrouler. Et on a évité soigneusement d'étudier la possibilité que ces bâtiments-là se sont écroulés par des démolitions contrôlées. Donc, on a évité carrément obnubilé cette possibilité-là. Donc, déjà, on a un problème avec la méthode scientifique ici. Et ce qui se retrouve comme étant un mensonge incroyable là-dedans, c'est que les plans même qui ont été utilisés dans le rapport du NIST, les plans des deux tours jumelles, ont été modifiés. C'est-à-dire que sur les plans originaux, vous avez les grosses colonnes du centre de ces bâtiments-là qui sont des immenses colonnes massives. Okay? Je crois qu'il y en a 67, si je me rappelle bien, qui forment le cœur structurel de ces deux tours jumelles avec les autres tours, les autres colonnes qui étaient à la surface, à la façade. Donc, on avait une double structure. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a carrément enlevé ou diminué la proportion de ces colonnes centrales structurelles. Donc, on en a enlevé, on en a effacé des plans, et puis les autres, on les a réduites de dimension. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Allez voir le rapport du NIST, allez le voir. Et puis après ça, allez comparer avec les plans qui sont disponibles sur le site des architectes et ingénieurs pour la vérité sur 911, les plans originaux. Et puis vous allez voir qu'on a trafiqué les plans pour pouvoir accommoder la version officielle. Alors c'est très grave. Je veux dire, si vous avez une enquête qui modifie les plans architecturaux pour justifier sa version des événements, ben si vous êtes assez honnête intellectuellement, vous allez comprendre qu'on essaye de cacher la vérité. OK? C'est assez évident. C'est assez évident. Donc, c'était d'autres petits points que j'avais ajoutés. On s'en va vers l'économie maintenant. L'économie, ça, écoutez, ça brasse, c'est écœurant. J'ai un article qui parle un peu de ça cette semaine, qui touche un peu à l'économie. Donc, je vous invite à aller lire, mais ça touche beaucoup plus que ça. Ça touche au fait que la population est considérée maintenant comme un ennemi d'État. Ça devient de plus en plus évident. On vous ment, comme je vous dis, c'est pas juste à propos du 9-1. On utilise la façade de belles motivations, de belles prétentions de sécurité, de santé, de démocratie. Au nom de la sécurité, on va vous taxer de quelques milliards. Alors, au nom de la santé et d'une peur d'un certain H1N1, on va nous inoculer avec des produits non testés et contenant des ingrédients toxiques qui n'ont aucune efficacité prouvée, à part des croyances aveugles et naïves. Au nom de la démocratie, on va aller bombarder et occuper militairement des pays du Moyen-Orient, où on a déjà entraîné la mort de 1,3 million d'Irakiens et des dizaines de milliers d'autres en Afghanistan. Un génocide et un biocide parce qu'on a contaminé la place avec de l'uranium appauvri qui sert à fabriquer des armes dont on ne sert dont ça sert pour libérer les gens de ces pays, un truc radioactif pour au moins 4,5 milliards d'années. Tout ce qui est plus humain à la fine pointe de l'humanité. On parle de guerre humanitaire, sortie tout droit du dictionnaire des plus fameux oxymores de nos temps dits modernes. Donc, on utilise toutes ces affaires-là, pourquoi? Pour essayer de vous contrôler, essayer de vous briser le dos. On essaie de conditionner les masses, d'influencer l'opinion publique. On manufacture le consentement, on contrôle le paradigme de pensée tel que Noam Chomsky le décrivait, ou mieux encore, tel que Edward Bernays le préconisait, celui qu'on a surnommé le père de la propagande. Alors, suite aux événements qu'on a vus à la suite de l'article de la semaine passée, avec la venue des nouvelles mesures de sécurité complètement inutiles, mais qui devront être néanmoins être payées par les voyageurs, je parle des scanners corporels pornographiques qu'on va déployer dans les aéroports aux États-Unis et au Canada. On apprend cette semaine que les États-Unis vont maintenant déterminer qui pourront embarquer sur un avion ou pas. Commençant en décembre, selon un article du Montreal Gazette, certains passagers sur les vols commerciaux canadiens volant ou vers ou en provenance des États-Unis, ou même en transit au-dessus du territoire américain sans y atterrir, ne seront pas autorisés à monter à bord de l'avion avant d'avoir reçu la permission du département de la sécurité intérieure des États-Unis, qui est le U.S. Department of Homeland Security, après avoir déterminé qu'ils ne sont pas des terroristes. Alors, le nouveau programme s'appelle Secure Flight, qui est décrit comme étant la plus récente arme dans la guerre contre le terrorisme, la guerre américaine contre le terrorisme. Et ça donne aux États-Unis des pouvoirs sans précédent sur quiconque veut prendre un vol qui passe à travers l'espace aérien des États-Unis. Une autre preuve tangible que notre souveraineté est dissoute dans l'Union américaine. Nous ne sommes plus maîtres en la demeure, chers auditeurs. Sous ce programme Secure Flight, les compagnies aériennes canadiennes vont transférer les informations personnelles des voyageurs au département de la sécurité intérieure des États-Unis, préférablement 72 heures avant le décollage. Ensuite, l'Agence nationale américaine de sécurité des transports aux États-Unis, qui s'appelle la TSA, utilisera InfoGlide, un programme d'identification complexe pour trouver et regrouper de l'information provenant de plusieurs sources pour vérifier l'identité des passagers. Mais attention! Si nécessaire, les analystes de la TSA vérifieront d'autres banques de données classifiées secrètes ou publiques sur le terrorisme du gouvernement, de la police et des services du renseignement, incluant les bases de données du département de la sécurité intérieure des États-Unis, du département de la défense, du Centre national du contre-terrorisme et du FBI. Wow! Donc, vos données personnelles vont se ramasser dans ces banques de données-là, vont être comparées à ces banques de données, tel que noté dans le document gouvernemental qui définit le programme Secure Flight. Alors, après les scanners corporels, la dissolution de vos droits et libertés fondamentaux va devenir la prochaine version de l'État policier sous forme de scanner de la pensée. Le règne où les machines vont devenir juges de nos intentions et pensées, une technologie qui sera installée en premier dans les aéroports et bientôt un peu partout. Déjà, ces mesures portent préjudice aux voyageurs et causent de bien des malheurs. Ils briment les personnes, font en sorte que ceux qui font vivre l'industrie aérienne et du tourisme, les voyageurs, sont traités comme des criminels pour exercer leur droit fondamental au libre déplacement et font manquer des vols. Alors, vous allez voir plusieurs exemples là-dedans dans l'article. La question de vous empêcher de voyager par les autorités américaines est des plus révoltantes et insultantes. Mais le plus pernicieux, c'est ce transfert arbitraire de données personnelles sans consentement vers des entités étrangères à l'extérieur du pays qui sont complètement incontrôlables et d'une transparence plutôt opaque. À ces inquiétudes pressantes s'ajoute le fait que le président Barack Obama vient de nommer à la tête de la TSA un ancien officiel militaire du renseignement. Hey! Sous le commandement de Robert Harding de la TSA, qui est responsable de la sécurité dans les aéroports américains suite au 9-1, sera probablement encore plus militarisé et transformé en opération du renseignement. Cette nomination par Obama d'un ancien général de l'armée pour gérer la TSA indique que le gouvernement a un désir grandissant de militariser les aéroports civils. Tendance très lourde. Dans le passé, Robert Harding a travaillé comme l'adjoint au service du renseignement de l'armée qui s'appelle la USG2. Il était responsable de la planification et de l'exécution des programmes du renseignement. De 1987 à l'an 2000, il fut le directeur des opérations pour la DIA, Defense Intelligence Agency, et il a rempli les fonctions d'officier senior du renseignement humain au département de la Défense. Avant de travailler pour la DIA, Harding a servi pour la J2, Intelligence Directorate United States Southern Command, sous le général Barry McCaffrey et Wes Clark, en tant que chef du renseignement. Il a aussi dirigé le renseignement avec le Joint Interagency Task Force dans la pseudo-guerre contre la drogue. En 2003 et 2009, Harding est un consultant auprès du gouvernement sur le renseignement humain et dans d'autres domaines connexes. Donc, vous voyez un peu qu'on a un très grave problème ici. OK? Donc, ça, c'est des choses qui se passent. Allez lire le reste de l'article, très important, sur les 7 du Québec et aussi en vedette sur sans-papiers. Donc, les États-Unis vont déterminer qu'ils peuvent monter à bord des avions. Ça, c'est assez grave. Et puis, ça passe au Parlement, ça va rentrer en fonction en décembre. En économie, ben écoutez, ça brasse, c'est écœurant. Vous avez un article, une vidéo ici à voir de Mac Kaiser que je vous invite à découvrir, un analyste financier économique qui est d'une clarté et puis d'une puissance remarquable, une personne qui ose dire les choses telles qu'elles sont, et puis vous allez apprendre pas mal plus en un programme avec Mac Kaiser qu'une semaine de complet dans les nouvelles de TVA, puis de Radio-Canada, puis compagnie. Ça, c'est clair, si vous comprenez l'anglais. En tout cas, j'espère, c'est en anglais, mais ça vaut la peine de faire l'effort d'essayer de comprendre ce que cette personne-là a à raconter. Plusieurs articles choc. Écoutez, ça va pas bien aux États-Unis. L'économie ne va pas bien. On est en dépression depuis 2 ans. On essaie de vous cacher ce fait-là. On gonfle Wall Street. Hein, la Dow Jones censée être beaucoup plus basse que ce qu'on vous présente là. On manipule les données pour faire à croire que les choses vont mieux, mais ça ne va pas mieux. Ça, c'est certain. Il va falloir que les gens, à un moment donné, se rencontrent qu'on est en pleine dépression. Puis c'est pas une dépression seulement aux États-Unis, c'est mondial. Vous avez plusieurs exemples de ça. Écoutez, je vais vous en nommer une couple. Là. Vous avez la BBC qui va couper son budget de la moitié. OK? Donc, on veut sauver plus de 965 millions de dollars canadiens. Alors, on va fermer 2 stations de radio. Ça, c'est un exemple de comment les choses ne vont pas bien pour les médias aussi dans l'économie. Vous avez Los Angeles qui est sur le bord des abysses, OK? Donc, il y a tellement de pertes d'emplois aux États-Unis que les revenus d'État sont à la baisse. On parle souvent de la moitié, OK? Donc, on parle d'impôts et de taxes qui sont à la baisse. Pourquoi? Parce que les gens n'ont simplement plus d'argent, perdent leur ouvrage, perdent leur maison. Donc, évidemment que les pertes de l'État et du gouvernement sont en baisse faramineuse. Alors, vous avez des grosses villes en Californie, donc l'État de Californie même, et puis Los Angeles qui sont sur le bord d'une crise financière qu'ils n'ont pas vue depuis les jours les plus noirs de la Grande Dépression. Vous avez les rapports de la ville à aller voir. Vous avez, écoutez, la ville là, a un manque à gagner de 200 millions de dollars à travers son dernier exercice financier de l'année dernière. C'est plus d'un demi-milliard de dollars qui est prévu pour l'année à venir. Un demi-milliard de dollars de manque de revenus. Non, alors, je ne sais pas si vous comprenez, chers auditeurs, ça ne va pas très, très bien. L'État qui essaie de taxer les hôtels qui offrent des déjeuners gratuits, alors on essaie de taxer tout ce qu'on peut pour essayer de récupérer cet argent-là, comme si la classe moyenne avait encore plus d'argent à donner, alors des vampires économiques. Vous avez une maison sur 3 à Détroit qui est vacante, alors ça donne un peu une idée des reprises de finances, les gens qui perdent leur maison. Les taux de chômage aux États-Unis ont grimpé. Sont en hausse de 12% depuis les 2 dernières semaines aux États-Unis. OK? Donc, ça, c'est des chiffres absolument faramineux. Là. On parle d'un demi-million de personnes qui sont sur l'assurance chômage juste le mois dernier, qui ont demandé une assurance chômage. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages sont encore perdus. Le service des postes aux États-Unis qui vont fermer 30 000 jobs, imaginez. Ensuite, ici, vous avez les travailleurs de la ville de San Francisco qui vont slacker 15 000 emplois. Alors, slacker pour nos auditeurs de la France, ça veut dire mise à la porte, OK? Alors, on leur présente leur 4 % comme on dit ici, c'est-à-dire qu'on vous sacre à la porte, on ferme le département. Alors, 15 000 jobs ici vont être perdus. Un autre plan ici de la LAUSD qui planifie mettre à la porte 5 200 employés. L'achat aux États-Unis, c'est une chaîne alimentaire, alors qu'il va mettre à la porte 1 000 employés. Chevron, on parle d'une coupure de 2 000 employés. Ford, qui va mettre à la porte plus de 1 000 employés cette année. Vous avez ici les travailleurs dans les écoles de Los Angeles qui vont mettre à la porte 5 200 employés. Donc, on parle des professeurs, ainsi de suite. IBM qui va mettre à la porte aussi un paquet d'employés. Alors, écoutez, ça va pas très bien. Blockbuster, alors on va fermer 500 magasins à travers les États-Unis. Ça a été rapporté par The Financial Times pour essayer de sauver 200 millions de dollars. OK. On parle ici du vrai taux de chômage qui pourrait monter jusqu'à 25% selon un manager de portfolio financier. Donc, ça, c'est des chiffres qu'on essaye d'occulter. Donc, on essaye de trafiquer les chiffres aux États-Unis pour essayer de les faire apparaître mieux qu'ils sont. Les taux de chômage réels sont beaucoup plus élevés que ceux qu'on vous présente et puis frisent les 20% en ce moment. Donc, vous avez un cinquième de la population américaine qui ne travaille pas et pourrait monter jusqu'à 25%. On a un article ici publié sur Reuters qui dit que les maisonnées aux États-Unis luttent pour même mettre de la nourriture sur la table. Alors, ça, c'est une famille sur cinq aux États-Unis qui a pas assez de nourriture, n'a pas assez de nourriture, OK, à mettre sur la table. Donc, ça représente environ 50 millions de personnes pour 2008. Ça, c'est énormément de personnes. On parle de nourriture, OK? Donc, ça fait dur, OK? Ensuite, on a ici, c'est quoi? IBM qui va, OK, c'est ça, va mettre à la porte 10 000 employés. Alors, 10 000 employés. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe. Et puis après ça, vous avez un paquet de nouvelles qui documentent comment que là, on va s'attaquer aux fonds de pension. Alors, ça, c'est la prochaine place où on va vampiriser la classe moyenne qui n'a déjà plus d'argent, a déjà perdu ses emplois, déjà perdu ses maisons. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est pour essayer de payer pour les banquiers, les pauvres petits banquiers qui ont joué au grand casino mondial avec le marché des produits dérivés, des instruments financiers qui ne valent absolument rien. Donc, on a ruiné l'économie réelle avec une économie fictionnelle, une économie qui est une fiction totale, les produits du marché des produits dérivés. Et puis là, pour réparer les pots cassés, on est en train de tuer l'économie réelle, l'économie dont nous, on vit, pour rembourser cette haute finance qui est en fait remboursée. C'est un vol en plein jour, OK? C'est du terrorisme économique. C'est ça que Max Keiser va parler sur son programme, que je vous ai invité à écouter en début de chronique économique. On parle de finance OK, de Wall Street, de Goldman Sachs, pour les nommer, de la famille Rothschild, des grands banquiers internationaux, des grandes corporations de multinationales qui gèrent des centaines de milliards de dollars par année, qui sont en train d'attaquer les monnaies flottantes, les monnaies fiat, qui utilisent le système fractionnaire bancaire où ils créent l'argent. OK? Donc, vous avez aux États-Unis la Fed qui achète elle-même la dette des États-Unis, donc on finance la dette. Complètement débile. Il n'y a plus de personne qui achète les bons du Trésor américain, donc c'est la Fed qui achète les bons du Trésor. Donc, on finance, on met en papier la dette. Donc, les billets de papier que vous avez dans votre portefeuille, là, ça ne représente pas de l'argent en plus dans l'économie, ça représente une dette qui est à rembourser. Un détail significatif à comprendre. Alors, on utilise les marchés des produits dérivés pour attaquer les monnaies nationales, comme on le fait en ce moment avec la Grèce. Alors, ce que vous avez en Grèce en ce moment, on vous présente comme étant une crise incroyable, on vous dit que oh, la Grèce s'est servie d'instrument financier pour cacher sa dette, pour entrer dans l'Union européenne. Là, on a appris après ça que Goldman Sachs a servi là-dedans à cacher la dette grecque. Ben, Goldman Sachs est impliqué dans pas mal plus d'affaires et puis les financiers de Wall Street ont fait ça pour un paquet de pays dont les nôtres. OK? Donc, on essaye de cacher la dette réelle que ces pays-là possèdent. Et puis après ça, on finance ça, on instrumentalise ça, on titrise, on appelle ça la titrisation des titres. Alors, on fragmente ces dettes-là, on la transforme en produits financiers qu'on achète sur les produits dérivés, mais ça ne vaut absolument rien. Donc, on joue avec ça. Et puis, finalement, qui va profiter de ça si ça s'écroule? Eh bien, c'est évidemment ces banquiers-là, parce qu'après ça, on utilise l'argent des fonds publics pour les rembourser. OK? Donc, ces gens-là ont intérêt à quoi? Ont intérêt à ce que ce système-là s'écroule. Ont intérêt à créer de plus en plus de dettes pour que ces pays-là soient à genoux devant ces banquiers privés. Et puis après ça, on tire la couverte en dessous des pieds, comme on fait en Grèce en ce moment, pour faire partir un domino. Donc, on est en train d'attaquer l'euro. C'est en train de se passer en ce moment. C'est une attaque consciente des marchés financiers pour dévaluer l'euro. Alors, on a attaqué le chaînon le plus faible de l'euro, qui sont les pays satellites comme la Grèce, l'Islande. Et puis après ça, on va faire tomber les dominos un à l'autre parce qu'il n'y a aucun autre pays européen qui est capable de financer, de rembourser, d'essayer de donner de l'argent à la Grèce pour éviter que l'euro tombe en valeur et puis que ça se propage au reste de l'Europe. Donc, on est conscient de ça. On essaie de rattraper le dollar américain en attaquant les autres monnaies. Et puis ça va se faire de façon rotative et complètement arbitraire et aléatoire contre les différentes monnaies du monde. Alors, attachez votre tuque, attachez votre ceinture, parce que ça ne fait que commencer. Et puis, on est en train de mettre à genoux la Grèce. Et puis, après ça, on va faire comme tout bon banquier font, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de rembourser la dette, eh bien là, on va vous dire de vendre les ressources que vous avez. Les ressources, c'est quoi? Bien, vous avez premièrement la ressource du peuple, la ressource humaine, le peuple qui va travailler pendant les générations à venir pour essayer de rembourser une dette qui est impossible à rembourser. Et puis, croyez-le ou pas, ça a été publié dans les médias. Les banquiers internationaux sont en train de dire à la Grèce, bien écoutez, si vous n'avez pas d'argent pour rembourser, bien c'est pas grave, donnez-nous les îles grecques. On va prendre quelques îles grecques, comme ça, bien on va annuler votre dette, on va rembourser votre dette comme ça. OK? C'est en train de se passer directement, en train de demander à la Grèce de donner, de céder de certaines de ces îles aux banquiers privés pour les apaiser. OK? Donc, il faut apaiser ces grands terroristes économiques qui sont en train d'utiliser ces armes financières pour attaquer les monnaies et puis défaire des pays, mettre des économies à terre comme on a fait en Islande. Savez-vous ce qui s'est passé en Islande? C'est ça qui s'est passé. Il faut étudier l'Islande. C'est un cas typique. Okay? On est en train de tourner ces pays-là et les instrumentaliser, faire en sorte qu'on est en train de mettre en place ce nouvel ordre mondial à travers l'économie. Et puis, on a fait en Scandinavie une chose incroyable qu'on est en train d'imposer à la Grèce aussi, c'est-à-dire qu'on a demandé à ces deux pays-là, pas on a demandé, on leur a donné l'ordre, on leur a imposé une nouvelle règle que ces gens-là ne peuvent plus faire de transactions en cash de plus de 1 500 $. Les gens ne peuvent plus retirer au guichet, ne peuvent plus de faire de transactions, de payer quoi que ce soit d'une valeur de plus de 1 500 $ cash. Alors, il faut utiliser l'argent électronique, l'argent de plastique, les cartes de crédit. Donc, on est en train d'éliminer l'argent cash du système. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps que c'est dans les plans. Les gens pensaient que c'était encore des théories de conspiration, puis c'est en train de se passer sous vos yeux. OK? Sous vos yeux. Alors, on est en train d'utiliser ces fausses crises-là pour faire tomber la souveraineté des pays, pour leur imposer un système économique global. Puis d'ailleurs, le FMI s'est avancé cette semaine pour suggérer qu'on pourrait adopter, qu'elle pourrait commencer à produire une monnaie globale dont les pays pourraient commencer à se servir. Alors, on va faire tomber l'euro, on va faire tomber le dollar américain, on va faire tomber toutes les monnaies nationales, les monnaies fiat de papier qui valent rien. Après ça, on va instaurer un système mondial qui risque fortement de terminer en étant un argent électronique contrôlé par les banquiers centraux, les banquiers privés internationaux qui ont ingénéré, qui ont créé ce système fractionnaire bancaire qui est fait en sorte pour ruiner, utiliser la classe moyenne et puis voler toutes les ressources naturelles du monde et puis contrôler les politiques, les gouvernements, l'économie mondiale. C'est pas plus compliqué parce qu'ils contrôlent la création de l'argent. Ils contrôlent la création de la monnaie. Alright? Et puis, dès que ce système fractionnaire bancaire rentre en fonction, comme ici au Canada, aux États-Unis en 1913, bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus d'argent qui est dû qu'il en existe. Okay? Au Canada, on a environ, dans la masse monétaire totale, autant cash qu'électronique, environ 1 000 milliards de dollars, mais on en doit 2,5 trillions de dollars. Alors, on a 1 000 milliards qui existent, on en doit 2 500 milliards. Alors, on doit 2,5 fois plus que ce qui existe. Alors, je pose la question, comment qu'on va rembourser ça? Si on remboursait, si on donnait tout l'argent qui existe sur le marché, sur tous les marchés qui existent, d'argent canadien, en argent cash et puis en argent électronique, si on donnait tout ce qui existait puis on remboursait toutes les dettes qui existent, on aurait encore 1,5 trillion de dollars de dettes. Alors, on a comme un problème mathématique ici. Alright? Alors, allez lire les articles, vous allez lire un paquet d'affaires absolument renversantes. Aux États-Unis, on a embarqué des dettes, on est rendu à au-dessus de 10 à 20 trillions de dollars qu'on a embarqué sur le dos des Américains. Vous avez ces articles qui parlent de Goldman Sachs, qui vont demander de taxer tout, faire en sorte que les autoroutes soient transformées en postes de péage. Donc, on va essayer de sucer tout l'argent qui reste pour en finir avec la classe moyenne. Alors, c'est une attaque en règle. Vous avez des vidéos, okay, de professeurs de Harvard qui expliquent, qui ont analysé toutes les statistiques du gouvernement américain, okay, donc tout ce qui est plus officiel, et puis qui montrent clairement qu'on est en train de laver la classe moyenne. C'est en train de la réduire en poussière pour faire en sorte qu'il ne reste plus que deux classes, les ultra-riches et les contrôleurs, et puis les abjects pauvres de ce monde. Goldman Sachs qui a montré que la publicité adverse est un risque potentiel pour sa business. Ben ouais. Une autre vidéo ici sur Goldman Sachs qui est responsable pour la crise en Grèce. On est en train de faire en sorte qu'on va rendre l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, le Portugal en banqueroute. Okay? On est en train de briser l'Union européenne. Vous avez évidemment là, un paquet de révoltes qui sont en train de monter dans tous ces pays-là pour résister. L'Islande qui a voté contre un projet de rembourser les banquiers internationaux. Alors, bravo pour les Islandais qui ont voté contre, okay, le projet de les taxer. Je crois que ça revient environ je pense c'est 10-12 000 dollars par Islandais pour rembourser les banquiers internationaux qui ont joué et puis qui ont crashé leur économie. Alors, vous allez voir un mouvement de contestataires qui va monter en Europe et puis bravo, on a beaucoup à apprendre de ça. Donc, énormément de nouvelles qui sont en train de sortir là-dessus, qui vont documenter ce qui est en train de se passer. Des vidéos de Webster Tarpley qui montrent qu'on est en train d'utiliser ces attaques financières terroristes. Alors, on parle littéralement de terrorisme économique, okay, pour essayer de crasher le système économique mondial, pour vous imposer un nouveau système, ce nouvel ordre mondial qui va être amené par la gestion d'un système économique mondial, par une banque mondiale qui est gérée par des entités non démocratiquement élues, gérée par des banques internationaux puis des figures obscures sur lesquelles vous allez n'avoir aucun pouvoir, mais qui vont gérer vos vies. Okay? Vous avez Mark Faber, un des plus fameux économistes, qui avertit que tous les gouvernements vont faire défaut sur leurs dettes, incluant les États-Unis. Vous avez un autre article ici de This is Money qui dit que l'économie britannique doit faire face à un nouvel ordre économique, un nouvel ordre mondial. Alors, c'est dans les journaux. On parle du déficit fédéral qui va atteindre 330 milliards de dollars en janvier juste aux États-Unis. Alors, tenter de ruiner les États-Unis. Pendant ce temps-là, Wall Street se donne des bonus de 20 milliards de dollars en 2009. 20 milliards de dollars pendant que le peuple est en train de crever de la misère à mettre de la nourriture sur la table. OK? Vous avez Joseph Stiglitz, un ancien économiste et tête du Fonds international monétaire, alors du FMI, un prix Nobel pour l'économie, qui dit que la structure même de la Fed aux États-Unis est tellement corrompue et remplie de conflits qu'elle est une menace pour la démocratie. Le Sénat qui a rejeté de donner des chèques de 250 $ aux vieux des États-Unis. Alors, on ne veut pas aider les personnes âgées, mais pendant ce temps-là, on donne l'argent pour que les banquiers se donnent des bonus de milliards de dollars. C'est fantastique. OK? Alors, voyez que ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde n'est pas fait de façon innocente et par coïncidence. C'est une attaque en règle qu'on subit en ce moment, qui est déguisée. Et puis, si vous ne vous en rendez pas compte, eh bien, vous allez passer au cash. C'est pas plus compliqué. Même si vous refusez d'y croire, vous pensez que c'est des théories de conspiration, vous allez passer au cash. Et puis là, la prochaine attaque, c'est les fonds de pension. Et puis, les monnaies nationales qui vont être dévaluées et puis avec lesquelles on va jouer énormément. aux États-Unis, il y a même Citigroup qui se prépare à un crash économique d'envergure aux États-Unis et puis a émis une nouvelle directive que les gens vont devoir donner une notice de 7 jours d'avance avant de pouvoir retirer dans certains comptes de chèques. Okay? Alors, on est en train de faire en sorte que là, les gens vont ne pas pouvoir retirer leur argent de la banque très facilement et on est en train de mettre des caps là-dessus, comme je vous disais, dans différents pays. Donc, vous ne pouvez pas retirer plus de tant d'argent et puis blablabla. Donc, un peu comme ça s'est passé en Argentine il y a quelques années. Alors, si vous pensez que votre argent est en sécurité dans les banques, pensez-y deux fois. Si vous pensez que votre argent de papier vaut de quoi, pensez-y deux fois. On est en train de préparer ça. Le premier ministre canadien, Stephen Harper, qui a livré un plan pour une gouvernance globale durant le sommet du G20 puis du G8. Alors, ça va être aussi le G8 qui est planifié pour le mois de juin. Alors, on va présenter des plans pour une économie globale contrôlée par ces globalistes. Alors, d'autres articles aussi qui parlent de ça, on est en train de mettre en place un gouvernement corporatif socialiste au niveau, à l'échelle globale. Alors, un autre article super important à les lire. Et écoutez, là, la Chine qui se retire de l'économie américaine, vous avez des très importants financiers comme Mark Faber, que je parlais un peu plus tôt, qui dit de commencer à faire un grand jardin et puis d'acheter de l'or. Alors, des gens qui n'ont pas, mais pas du tout, une histoire d'être des gens qui terrorisent la population avec des fausses affaires. Alors, des gens qui ont un très solide passé, qui commencent à halluciner eux-mêmes sur l'état des choses. Ça va vous dire, écoutez, ça va pas bien, là, commencez à penser pour le pire, OK? S'il arrive rien, tant mieux, mais commencez à prévoir pour le pire, parce que là, ça regarde pas bien du tout, du tout. La Chine qui commence à se préparer pour aussi, donc un autre signe pour une méga-dépression, ça va pas très bien. La Chine qui a arrêté d'acheter les bons du trésor américain, a arrêté d'acheter la dette américaine, une autre bulle commerciale qui risque d'éclater de 2 à 300 milliards de dollars aux États-Unis. C'est une bulle commerciale qui risque d'éclater d'ici la fin de l'an 2010, l'an 2011. Vous voyez là que c'est vraiment, il n'y a rien de rose là-dedans, là, vraiment, mais vraiment rien de rose, OK? Pendant ce temps-là, on continue de donner de l'argent au budget du Pentagone, 1,5 trillion de dollars. Obama qui dit que le budget du Pentagone est intouchable, OK? Donc, on va couper partout, on va laisser les gens crever de faim, mais le budget du Pentagone va être de 1,5 trillion de dollars, OK? Alors, vous voyez que les oligarques, eux autres, font tout le temps d'argent. Cuccini qui déclare aussi qu'on donne des trillions de dollars pour les guerres, mais pas d'argent pour les Américains. Alors, c'est exactement ce qui se passe. Les fonds de pension qui vont manquer de 1 trillion de dollars dans les prochaines années. 43% des Américains qui n'ont moins de 10%, n'ont moins de 10 000 dollars pour leur pension. Alors, ça va être une belle pension dorée avec moins de 10 000 dollars, hein? Plus de 43% des travailleurs américains. C'est pas rose ce qui se passe. Alors, c'est à voir. C'est toutes les nouvelles qui sont là. C'est très important que vous allez lire ça. Le dossier sur l'économie est très, très volumineux. Donc, c'est important d'aller voir tout ce qui se passe pour voir qu'en fait, là, on est sous attaque et puis les pays même sont sous attaque de la haute finance, de Wall Street, les grands terroristes économistes de nos temps, OK? Les grands terroristes économiques qui sont en train d'attaquer l'économie mondiale. Donc, il y a beaucoup à faire. Il faut fermer le système de fractionnaire bancaire. Il faut récupérer nos banques et nationaliser nos banques centrales, arrêter d'emprunter de l'argent. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits comme ça aux États-Unis. Il faut embarquer aussi nous autres là-dedans. Vous avez un article ici avec des citations importantes sur le système monétaire. Alors, allez voir des gens qui sont éclairés, qui ont compris comment ça fonctionne. Et c'est à peu près ça, quoi. Donc, on va se quitter là-dessus. Gardez le courage, gardez le moral, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec le fameux dossier de l'actualité que j'ai pas eu le temps de traiter aujourd'hui, qui est aussi très important. Et puis, on va essayer de parler d'Israël aussi. Alors, je vous salue bien bas. C'était François Marginat pour L'Autre Monde. Bye-bye. you underneath the tree where I first tried to kiss you. Where, when I was four and you were three, you know we were meant to be married someday. But life goes away before you notice it leave. Now all those places have all gone away where we used to hang out with our friends and say one day we're gonna live, we're gonna live, we're all gonna live it up. So close to the surface our hearts beating, words the only sound we hear deciding what we were gonna do. We were gonna do, we were gonna do to push on through. And if I told you I was worth it, won't you tell me that you won't go? Lord knows I've tried.